Il s'agit du flow de cast. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh ouais. Bonjour. Mais bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Je suis Florent Bernard, je suis accompagné comme d'Adrien Méniel. Ben oui, je dis mon propre nom, oh, je prends les choses en main. Oh là là. Comme jamais dans ma vie. Nous sommes avec deux invités, pas des moindres. Le premier, il est disque jockey. Il fut ou il est encore ? Il l'est toujours. Il l'est toujours. Voilà. Avant-hier. Il anime les podcasts Party for You et Request in Peace, qu'Adrien avait recommandé lui-même d'ailleurs plusieurs fois dans l'émission. Et il s'est lancé ce défi fou avec Antoine, louer une salle de 1000 places pour, dans un an, et jouer un spectacle d'une heure, alors que ni lui ni Antoine n'ont jamais fait de stand-up. Antoine qui dégueule dans le micro pendant que je parle. Je le fais pas tout seul, je te préviens. Le tout est documenté sur YouTube avec un épisode par semaine sur leur chaîne Étienne et Antoine. C'est Étienne for You. Oh ouais. Ah oui. Et Antoine. Bonsoir. Non, parce que j'ai aussi une. Ouais, oui. Tout n'est pas tout. Tu l'as dit, t'as dit Antoine et tout. Oui, merci là, de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Oui, c'est la première fois que tu viens. C'est vrai. Lui, ce n'est pas la première fois. Et donc, du coup, pour Antoine, j'ai un petit jingle. Il faisait deux heures de perdu. Piombino, Piombino. Mais maintenant il le fait plus. Piombino, Piombino. Il se lance dans un projet fou. Piombino, Piombino. Avec son pote Etienne For You. Piombino, Piombino. C'est la Piombino. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, je suis touché. Ah ouais. Attends, il y a un petit effort. Touché. Toujours plus ringard, c'est mon leitmotiv dans cette émission. Ah non, c'est trop bien. En plus, il y a la musique italienne en référence à mon nom de famille. Bah, ouais, italien. Non, bah, c'est pas gratos. Hein. Il y a rien qui est laissé au hasard. T'es chez un auteur là. Ah, y a, à chaque fois que tu le réécoutes, tu vois les strates. les différentes strates. Et attends, la fin. Parce que quand tu réécouteras le podcast avec la fin, tu vas waouh, mais en fait, tout était prévu depuis le début. C'est mes chiens malades. Nous allons jouer au jeu du Floodcast, les news du Floodcast. Tout d'abord en Écosse, pas du t'as tout. Écorché l'Écosse. Oh là là. En Écosse, moi. En Écosse. Je suis impressionné. Je t'avais dit le je niveau. Je vais rien dire pendant 10 minutes. Arrêtez, les gars. C'est bon là, sors de ta coquille. Tu fais de la scène. Tu fais de la scène, putain. Une huître ou quoi? C'est la chauffe là. C'est la chauffe, putain. Merde. Et nous, généralement, les humoristes, on commence avec un crowd work et là, on est direct dans le sujet. Vous êtes en couple tous les deux là ou quoi? T'es sûr parce que lui il a dit oui, toi t'as fait non. T'es sûr, bah. Ah, Adrien il a pas l'air d'accord. Il a pas l'air au courant surtout. En Écosse, une petite ville s'oppose au changement de nom d'un pub. Pour vous dire, ils ont récolté 11 000 signatures alors que la ville ne compte que 13 000 habitants. Donc ah oui, beaucoup de signatures, c'est beaucoup. Cette pétition concerne le pub de la ville. Qu'est-ce que veut empêcher cette pétition? Bah de changer le nom du pub. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le pub Hitler. Alors, t'es pas loin. Bah... Attends, ils veulent changer ou pas changer? Non, ils veulent pas ils veulent changer. Pas changer. Ah, j'imagine, ils veulent le changer parce que ça pose problème. Genre, le pub Les Nazis n'avaient pas tort. Ouais. Non, bah on change pas. Le haut nazi. Les Nazis n'avaient pas tort, barre. Mais oui, c'était ça. Non, mais je vais. Les nazituations. Je réfléchis. Ça pas comme ça, non, réfléchis. Ça bah, pas le titre de l'épisode, non. Malheureusement. Non, non. À Linlithgow, un pub va prochainement changer de nom, et ce malgré les protestations Attends, des habitants. Tu vas pas dire rien. Ah, on a dû à ce point. Mais ah, c'est les nazis situation. C'est pas les nazis situation. C'est les nazis. Non, c'est pas les nazis, mais c'est la bonne réponse. C'est que attends, le truc attends. Est très problématique. Ah oui. C'est la première question, c'est la chauffe. D'accord. Philippe. Philippe la chauffe. Oh là là. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. La Piombino. Cet établissement vieux de 350 ans était en effet nommé jusqu'à présent The Black Beach. Ah oui. Bah oui, mais Beach. Eh bah justement, c'est ça. C'est il va être nommé The Willow Tree, le saule en anglais. Je suis bilingue, hein, je peux tout faire. Mm-hmm. Sur décision de l'entreprise Green King, qui possède plusieurs pubs dans le pays, dont celui-ci. Il fait référence à une légende locale selon laquelle une chienne noire qui figure sur les armoiries de la ville aurait apporté de la nourriture à son maître qui était affamé. Oh. Cette légende, très ancrée à Linlithgow, a même une statue commémorative située dans le centre de la ville. Mais évidemment, aucun problème du coup, il y a vraiment rien de problématique. Ouais, évidemment, on n'a pas trouvé du tout. Attends, son maître était Hitler. Mais évidemment, j'ai la dalle, hein. Comme on dit dans la langue de Nelson Montfort, ça veut dire la chienne noire. Bien sûr, local a donc décidé de protester contre la décision du groupe Green King de changer ce terme. Le terme de Black Beach serait, selon eux, associé à la ville depuis 700 ans et les habitants seraient fiers de se faire appeler les Black Bitches. Il y a une limite quand même. Ouais, non. Mollo. Là, c'est ça, les 2000 qui n'ont pas signé, c'est sûr, ils sont remontés, ils sont appelés comme ça. L'affaire du nom du Black Beach est finalement remontée jusqu'au gouvernement qui gère les bâtiments classés. Après étude, les autorités ont finalement décidé d'autoriser ce changement de nom. Donc, ça va plus s'appeler le Black Beach. Parce que selon eux, le nom actuel d'établissement n'aurait aucun lien direct avec l'événement historique, d'autant que par le passé, ce bar a eu 3 autres noms. Vraiment, voilà, aucun sens. L'étudiant qui avait jeté des œufs sur le roi en Angleterre, Charles III. Je savais pas moi. Il y a un étudiant qui avait balancé des œufs, il y a quelques lors de son investiture, j'imagine. Comme, ah oui, d'accord. Là, c'est vrai que c'est le roi. Bah, c'est le roi maintenant. Mais bref, moi j'ai connu pas Internet. Internet, j'ai connu la reine et pas. Putain, mais ça t'a traversé les âges en fait. L'étudiant donc qui avait jeté des œufs sur le roi a été libéré quelques heures après son arrestation avec une sanction. Je vous demande quelle sanction. Nettoyer Buckingham Palace. Non. Sans ligne. Il a eu des lignes. Non, il a pas eu de ligne. Il doit avaler l'œuf. Il doit. Ravaler l'œuf. Bah non, non, non, l'œuf s'est éclaté malheureusement. Ah oui, t'imagines bien. Non, mais il le lèche sur le roi. Non. Va lécher maintenant. Allez, lèche le roi. Et là. On est quitte. Va lécher, on est quitte. Il s'est mis du beurre de cacahuète sur la bite et tout. Ouais, mais quel rapport. Bah je crois, c'est pour me punir, non. Non, tu laves tout. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que la sanction a un rapport avec le crime? Avec l'œuf, oui. Ouais. De oui. Fou. Bah oui, oui. Il doit aller s'occuper de poules. Non. Non, mais... ça a un rapport direct. Est-ce qu'il doit être le larbin du roi, Jean? Non. Il doit faire la poule, juste. La manière de Sébasto. Si vous vous souvenez de Sébasto. Sébastopoul, du coup. Bah, c'était. Le boulevard. Ah oui, ah, c'est ça. Ça vient de là. Ça vient de là. Oh putain, je crois que tu m'ouvres les yeux. Je sais pas de quoi tu parles. Le boulevard Sébastopoul. Mais non, tu te souviens pas de faire la poule. Il était collé contre le mur, il avait la raie au mur, Sébastopoul. Oh là là. Là, on est qu'un champion. C'est pour ça qu'on ferme la gueule avec Étienne depuis tout à l'heure, tétanisé. Ouais, mais après, il faut aussi remettre dans le contexte. Parce que imagine ces blagues sur scène. C'est bide sur bide. Je crois pas. Hein, des jeux de mots là. Et attends, il avait l'arrêt au mur, Sébastopoul ou pas? Mais regardez, putain. C'est filmé là. J'ai quitté mon job pour ça, putain. Non, mais, les gars, ça, j'ai rien compris au spectacle dit... de Farid. Non, hein, je comprends pas. T'as pas vu mon banger sur les lunettes, toi? Si, j'ai tout vu. Est-ce qu'on est à ce niveau? Non, non, non. Le sketch des empanadas, attention. Ah, ouais. Ah oui, oui, d'accord, oui. C'est Farid encore ça. C'est encore Farid. Il sait tout faire, putain. Il sait vraiment tout faire. Il est encore dans son arc, c'est une harpe qui fait l'autre. Non, non, c'est Sébastien qui fait la poule, tout simplement. C'est une chanson qui cartonne à l'époque. T'as pas connu ça? Donc, oui, l'étudiant qui a acheté les œufs. Revenons à nos moutons, bah plutôt. Oui. Revenons à nos poules. Oh là là! Bah oui, bah excusez-moi. Sébastopoul. Non, on était là. Il doit couver des œufs. Non, il doit. Non, il doit. C'est chiant en vrai, ça doit être très relou. Mais non, non, il doit pas faire ça. Il doit faire des omelettes dans un resto. Oh non. Mais c'est lié aux œufs. Ah non, mais c'est lié à l'omelette ou pas? Non, pas du tout. C'est lié aux œufs, tout simplement. C'est lié aux œufs. Ouais. Il doit jongler. Non. C'est lié aux œufs, mais c'est pas l'omelette. Alors attends, il reste quoi là? Non, mais je vais vous donner. Ah, il doit séparer le blanc des jaunes. Non. Il doit s'en éclater un sur la tête. Non, mais là. C'est une décision de la police, hein, que je vous donne. C'est pas nous qui décidons. C'est pas un ado de 14 ans qui dit, bah, je sais pas, on lui tient la main, il se tape et on dit arrête de te taper. Enfin, je sais pas. Il doit gouverner l'Angleterre pendant 10 ans. Ah, mais vas-y, si t'es malin, mon pote. Vas-y, tu te moques du roi. Vas-y, réduis le chômage, toi. En esquivant les œufs, vas-y. Non, mais je vais vous donner la réponse. Non, mais attends, on est si nuls. Non, pas du tout. Première question, c'est genre, oh, quel connard. Il faut le changer parce que quand même, faut le changer. Oui, c'est ça. Ok, la deuxième. Bah, vous avez pas trouvé. Bah, oh, non, mais c'est bon, je vous donne la réponse. On voit vraiment. Arrête, Florent. On voit vraiment qu'il est. J'arrête. De toute façon, je vais arrêter. Il est pressé. Mais non, pas du tout. On est arrivé, il a dit. Je peux poser mon blouson? Ouais, assis-toi là, ça enregistre. Je fais bah putain, déjà. Non, mais j'ai ma fille à 15h30. Non, mais vous trouverez jamais les œufs. C'est bon, on peut prendre le temps, non? Ok, bon, tu m'as même pas présenté, moi. J'étais data scientist, on l'a pas dit. Pardon? On t'a pas présenté? Tu veux que j'en mette le jingle? Oui, alors, si. Moi je veux bien, ça a rien à voir. Mais on peut le mettre en boucle en fond, genre un volume très bas. Non, bon, soyons méthodiques. Est-ce que ça a un rapport avec la bouffe? Oui, ça a même un rapport avec les œufs. Et avec la cuisson des œufs ou pas? Non. Les œufs, c'est pas de la bouffe. Les œufs sont crus. Ah oh, vegan. Bah oui. Eh oui. Est-ce que ça a rapport avec le petit sel au soufre que vous rajoutez? Ah, pas mal. Quel anamak? Oui. Non, pas du tout. Non. Est-ce que les œufs sont crus, in fine? Non, c'est pas avec... dans une usine d'œufs. Non, quoi. Il doit faire le ventre d'une poule. Il doit pas cuisiner d'œufs. Il doit Attends, parce que je crois que il y a une incompréhension dans ma question. Ouais. Okay. Tu dis c'est un rapport avec la bouffe. Tu dis oui, c'est un même un rapport avec les œufs. Mais tu ça n'a pas de rapport avec faire la bouffe. Voilà. Ouais, c'est non. Ça, parce pardon, excuse-moi. Une usine d'œufs pour moi c'est pas la bouffe. Quoi. Ok, non. Mais c'est assez. C'est plus basique en vérité. Il doit ramasser les œufs dans une employée. Non. Il doit mettre les œufs dans. C'est méga dur. Dans les rayons, dans les supermarchés. Non. Est-ce que c'est Il doit mettre les œufs en boîte. C'est une interdiction. Je peux pas vous dire mieux. Ah. Il n'a plus le droit d'acheter des œufs. Il n'a plus le droit de transporter des œufs en public. C'est la punition la plus cool. Mais c'est génial. C'est comme si le mec qui a giflé Macron lui dit tu dois marcher les mains dans les poches. Eh ouais. Si je vois tes mains, attention. Oui, mais c'est ça, parce que s'il a par exemple des œufs en public, c'est une balle dans la nuque par contre. Directement. On t'avait prévenu, on avait été cool. Tu vois les soldats là qui bougent jamais. Bah là ils bougent, ils te plantent avec une lance directe. Tes œufs mon pote. Dans ta gorge. Non mais c'est surtout que c'est trop marrant. Son visage, il est pas méga connu, c'est-à-dire que quand il y a des fouilles de police, c'est Serge, j'ai trouvé des œufs, tu vérifies que c'est pas lui. C'est-à-dire que il y a une base de données de mecs qui ont pas le droit d'avoir des œufs, il y a que lui dedans. Et vraiment, non, c'est pas lui, il a une moustache. Il faut vraiment arrêter 12 000 gars. Ouais, mais c'est pas moi le mec qui a acheté des œufs, putain, j'ai 45 ans, putain. Oh, ça me rappelle ce truc génial quand ils ont dit qu'ils avaient trouvé Dupont de Ligonnès. Alors il fait 10 cm de moins, mais pour le moment c'est plein. L'écart des yeux aussi. Et il lui manquait littéralement un doigt. Ça c'était aussi le truc. Après tu vois. Sur un profil les trucs en moins ça marche pas. Sur un profil les trucs en plus. Profil comme Xavier, c'est possible qu'il le perde quelque part. Donc. Oui et puis en plus il est malin, tu vois, il pourrait se couper un doigt. Bah attendez. Je suis méconnaissable. Dupont de Ligonnès, il me semble qu'il a 10 doigts. Bon, voyez bien que c'est pas moi. Est-ce qu'un homme avec un doigt en moins ne peut pas creuser aussi profond enfin. Il est pas chauve alors. Et le Parisien, je me demande. Il a des lunettes du pont de Ligonnès. C'est vraiment Clark Kent, c'est. Bah, ouais, et il se cogne dans les murs, le gars. Bon, allez, remets les méga, méga Miro, pardon. Mais le Parisien, je crois que c'est le Parisien, le Figaro. Il a fait la couve. C'est le Parisien. Il y a vraiment une couve qui existe de. On l'a retrouvé. Le Parisien, c'est un torchon. Il avait pas un truc comme quoi il est pas français non plus. Oui, c'est. C'est Guy Joao, il était portugais. C'est vraiment genre. Vous lui avez parlé. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas plus éloigné que ce mec. En fait, c'était ça qui était fou, quoi. Il y avait vraiment pas le moindre. Mais c'était une femme d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, aucune ressemblance. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs de rebelle un peu, peut-être dans votre adolescence, des à l'instar de celui qui achetait les jeux. Bah c'est ça, c'est un peu, c'est lié, tu vois. Des trucs genre, est-ce que vous avez dessiné des dents noires à Marine Le Pen sur des affiches? Ah ou des oui, choses. Si. Bah si, moi je me souviens, c'était en colonie de ski. Voilà. Non, il y avait un mec un peu plus cool que moi qui avait un poster. Alors, attends, faut qu'on arrive à l'imaginer. Alors, ça vous paraît difficile à envisager, mais croyez-le bien, ça existe. Il se faisait tabasser le mec avec la lunette. C'était le mec avec la ventoline, là, c'est ça. Alors attends, on ferme les yeux, on imagine. Becky Ventoline, le mec, il avait seulement. Non, et en fait, il avait un Posca et il graffait partout. Waouh! C'était Tony la malice, le gars, carrément. Et moi, j'ai fait genre, ouais, bah vas-y, moi aussi, je vais faire le S là. Tu sais, Ah oui, tout le monde fait. Ouais. C'est toi qui as inventé ça. Et moi, je l'ai fait sur le seul endroit indélébile qui était du béton. Ah oui, d'accord, ok. Et je m'étais fait défoncer parce que il avait tout de suite dit bah ça c'est pas moi qui l'ai fait, tu l'as fait Antoine, le vieux S pourri. Et je m'étais fait latter. Voilà. Directement pour un petit c'était S. C'était ça ma rébellion. Voilà, ouais, j'ai pas au plus système. Hein. J'ai réfléchi mais j'ai pas plus. Hein. Adrien, je réfléchis. Je suis pas sûr. Hein. Moi si. C'était très. Moi je me souviens. J'avais connu l'époque avant Internet. Et avant Internet, il y a un truc qui s'appelait les BBS. C'était les bulletin board system et c'était des serveurs qui étaient hébergés chez des particuliers. Ça va être cool ça aussi, je sens. Ah ça, attention hein. C'est grave baisé grâce à ça, attention hein, les gars. Je crois que c'est le mec qui grappait qui les installait les serveurs. J'ai imprimé ma ventoline en 3D. Waouh, putain, de mieux en mieux. Non, en gros, c'est des serveurs qui étaient hébergés chez, enfin n'importe qui pouvait l'héberger, mais ça passait par la ligne téléphonique, c'est-à-dire que tu te connectais directement à la personne. Donc ça veut dire que si la personne n'avait qu'une ligne téléphonique, personne pouvait l'appeler pendant tout ce temps. Ouais. Et toi, quand t'étais connecté, personne pouvait. Et donc ça faisait vraiment. C'était avec les vieux modems qui font. Et c'était tout en mode texte aussi. C'était pas sous Windows, c'était sous DOS. Donc c'était que du texte et tout. C'est vraiment à l'ancienne. et c'était des trucs pour échanger des messages, échanger des fichiers. Il y avait un peu des trucs de hacker. Attention, des petites astuces et tout. Notamment une astuce pour téléphoner gratos avec les cartes de téléphone qui n'avaient malheureusement jamais marché. J'avais testé. Oh, je vous le dirai dans un autre épisode. Oh, ce passif sur ta chaîne YouTube. Et donc il y avait l'équivalent des forums. Et moi, j'étais pas si jeune, c'est ça qui est un peu triste. Je sais pas pourquoi, à un moment j'avais juste voulu tester. J'ai dit putain, j'ai jamais posté un message. Je vais poster un message, genre pour voir, tu vois. Oh là là. Sans me dire, les gens les lisent en fait. J'avais écrit nique sa mère Le Pen. Oh mais vraiment, c'était pas, il y avait pas de contexte quoi. C'était pas genre, tiens, je vais aller dans le sujet racisme et je vais écrire nique sa mère Le Pen. Non, c'est, j'avais ouvert un nouveau dans truc. Dans le subreddit racisme. Ouais, c'est là, ça. Le topic bon mot. Voilà, c'est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert un topic et j'avais juste écrit nique sa mère Le Pen. Et vraiment, je m'étais pas rendu compte. Et après, il y avait juste des réponses de gars qui disaient. Bah, tu t'es pas rendu compte que ça faisait le jeu du FN à l'époque, c'est ça. Pour moi, le vrai racisme, c'est de pas serrer la main à un député. Vous avez vu ça ou pas? Ouais, ça, c'est assez Hanouna qui a dit. Il y a une des chroniqueuses qui a dit: mais est-ce que le vrai racisme, c'est pas de refuser de serrer la main à un député du RN? Et Hanouna, il fait: ouais, on va y revenir parce que ça, pour moi, c'est ça le vrai racisme. Je pense que c'est le racisme, le vrai racisme, mais je sais pas. Donc ouais, nique sa mère Le Pen. Nique sa mère Le Pen. Et après, les gens répondaient bah, tu fais pitié, Non, vraiment, que des gens qui disaient: ah, mais tu fais trop pitié. Oh merde. Moi, ouais, c'est pas sympa. Le max que j'ai fait, mais c'est aussi pendant une période d'élection, sauf que c'était les élections de délégués. Oh. J'avais donc tout le monde votait avec anonymement, et moi j'avais mis le prof à poil. Waouh. Boum. Le mec, il s'est fini. Ah bah, carrière. Je me souviens, le prof lui-même a dit: bon, alors la personne qui a fait ça se dénonce. Et à l'époque. Sinon, je me fous à poil. Ok, bah, t'imagines le mec un peu tard. Baisse ta main, Florent. Baisse ta main, Florent. Ah bah, en me le demandant enfin. J'en étais sûr que c'était vous, Florent Bernard. Ah, je l'avais vu dans j'espérais votre. J'espérais au fond de moi. Je voulais vous le faire en privé, mais vous le demandez devant le monde, devant les autres. Etienne, toi, non, pas d'acte de rebelle? Rebelle, non, je sais pas, rebelle, mais je me souviens de la bêtise d'enfant qui m'avait traumatisé, c'est que il y avait eu. Je regardais Art Laker à vif quand j'étais petit. Rebelle déjà. Déjà ouais. Rebelle, et mon préf c'était Drazik, double rebelle. Oh là là. Oh là là. Deuxième Bolton, bon bah là. Irrécupérable, gars. Et je me souviens qu'il y avait un épisode, genre l'épisode où ils ont internet, tu vois, genre. Ah. Et il avait, et dedans il tapait, il faisait semblant de taper photo cochon dans la VF, tu vois. Ok. Et j'étais genre, c'est une pure idée, je vais le faire. Parce que j'avais eu internet assez tôt, pas non plus méga méga tôt, mais j'avais genre 10 ans, tu vois. Et j'ai tapé ça dans l'Icos à l'époque. Oh. Et le chien, bien sûr. Évidemment. Petit ref. Et je me souviens qu'après. Black Beach. Quand tu tapais le P. Ça, tu sais, genre, je sais pas comment ça s'appelle là, ça suggère les réponses. Oui, oui. Ah, oui. Et genre, pour moi, c'était la fin du monde. Oh, putain. Oh non. Ils vont savoir. Non, ils vont savoir. J'ai avoué et tout, genre, c'était horrible pour moi. T'as voulu mettre photo cochon, ouais, ça j'aime bien. Vraiment, genre, l'enfant qui ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière le décor. Les tétés de Carmen Electra. J'ai mis sur Google. Cela dit, moment malaise, moi je me souviens que c'était une époque où quand t'avais internet, tu l'avais pas longtemps. Donc, putain, je dis ça, personne l'a fait, mais moi j'imprimais. Yes. Parce que ah oui, t'es pas sûr d'avoir vendais, accès. Toi, ah oui, et premier degré, un jour ma mère fait c'est quoi ça? Bah, putain, et tu sais, a posteriori, je suis vraiment en mode. Putain, mais good parenting, tu peux pas juste le laisser où c'est. On en parle pas, tu vois. Oui, c'est vrai, tu vois. Pourquoi tu le tends à 16h de l'après-midi? Je suis en train de regarder Game One. C'est quoi ça? Bah, tu vois bien ce que c'est, putain. Ça te fait bander, ça, Antoine? C'est ça qui te fait bander, Antoine? T'as juté ou pas? T'as juté. Hein, espèce de c'est porc. Laquelle que tu préfères? C'est elle ou elle? Après, au repas, tu en veux du poulet, le juteur là? Bon, allez, maman, c'est bon là. Tu en veux du poulet ou d'autres photos? Tiens, je t'en ai imprimé. Non, mais ceci dit, ça, je comprends. Moi, je faisais ça aussi. J'allais, j'avais pas internet, donc j'allais au cybercafé. Wow. Et pareil, j'enregistrais des photos de meufs à poil que je mettais sur. Non, je me branlais pas au cybercafé. Monsieur, on va fermer. Oui, oui, oui. deux secondes. Attendez. Non, je téléchargeais sur une petite clé USB et je le ramenais chez moi. Mais pareil, je pense qu'en fait, bah, y avait juste l'historique du cybercafé, quoi. Donc je pense que tout le monde savait. Ouais, ça, alors ça, pour le coup, dans les cybercafés, ça devait être un carnage historique. Tant que c'est pas criminel. Derrière toi, il y a comment enterrer sa famille sous une véranda. Tu vois, t'es juste photocoché. t'es dans le haut du panier, le mec. Oui, mais j'étais mineur, moi, donc à la limite, potentiellement, il pouvait peut-être. Bah non, non, c'est pas un crime quand t'es mineur de mettre des photos à poil. Non, c'est un crime d'aller voir un mineur, de dire regarde, des photos. Oui, là, d'accord. Je pense que t'as pas bien compris la loi à propos des mineurs. Ouais, non, peut-être que je lis deux, trois trucs. Des fans d'Elon Musk, donc des gens super. Des mecs moins cool que toi, du coup, quand t'étais jeune. Ont eu une idée pour le moins originale afin de lui rendre hommage. À votre avis, quelle est cette idée? C'est pas les connards qui ont fait un crowdfunding là? Non. C'était quoi le crowdfunding? J'ai pas c'était vu pour passer. Ah non, rien à voir, c'était pour gagner. Ah oui, pour qu'il redevienne milliardaire. Oui, voilà. Ouais. C'est avant ou après l'incident? Attends, Twitter. T'es tellement déconstruit, tu confonds les blancs et les noirs. Ah ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu entends par un blanc et noir? Je t'entends, ça fait plusieurs années que je t'entends dire ces mots en parlant de gens, j'imagine. Mais bon, écoute, Adrien, tu l'as cherché, je lance un jingle. Il n'a pas la moindre brique en lui. C'est vrai. Pas de fondation, pas de ciment et pas d'outils. Zéro. C'est un terrain vague avec quelques débris. Adrien Meignet, les putains de construits. Y'a que des gravats. Il y a deux pistes son, j'adore. Oui. Il y a deux mais pistes déjà, bac. C'est pour ça que je disais qu'il y a, il y avait aussi deux pistes voix sur Piombino. Mais c'était et le cœur de Moscou tout à l'heure. C'était non, mais il y a un bel effort de star, bravo. Ah, c'est énorme. Mais après, je me disais. Dis donc, pas. Ouais, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais j'avais peur de pas l'utiliser. Ouais, t'as bien fait d'y aller maintenant. Ouais. Ça veut dire que t'aurais eu mieux. Ah, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Après, sur la déconstruction, je trouve que sur une échelle de t'es à 80%. il te manque une briquette. Hein. Je fais ce que je peux, les mecs. Donc, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fans d'Elon Musk, à votre avis? Donc, c'était avant Twitter. C'était avant l'incident qui lui a valu un bad buzz. Non, non, c'est en ce moment là. C'est la vraie actu. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah c'est non, pas les mecs qui ont créé des faux comptes de lui pour l'humilier. Ça non, non, non. Bah non, ça c'est pas dommage. C'est très drôle. C'est vraiment hilarant. Ils se sont fait gonfler le pénis ou pas? Non. Ça a rien à voir. Non, c'est non, pas c'est... sur eux-mêmes. C'est non, sur non, un c'est truc vraiment pour lui. C'est vraiment en hommage à lui. Pourquoi il a une grosse bite, Elon Musk? Non, mais j'imagine que eux pensent que oui. Et que c'est la source de ses pouvoirs. Tu vois ce qu'il veut dire? D'accord. C'est effectivement ce qu'ont fait les Anglais quand la reine est morte. Ils sont tous gonflés le pénis. C'est dommage. Évidemment. Sans la machine, juste avec la main. Donc non, c'est vraiment un truc pour lui, un cadeau quelque part. Un rapport avec Twitter ou pas? Non. Tesla? Bah, non. Un rapport directement avec lui en fait. Une création? Ils ont tatouage de son visage? Création. Ils ont création. Pas un tatouage. C'est vraiment une création. Ils ont fait une chanson pour. Non. Une sorte de We Are the World, mais. Main dans la main. Ouais. Ils ont dessiné son visage sur une pizza. Non. Avec des olives et tout. Ils ont fait la Pixel War, mais ils ont fait un portrait d'Elon Musk. Oh, le captain. Je ne connais pas les termes. Le CEO. Et le général. Non, c'était le général, ouais. Le général. Le capitaine. Capitaine général, capitaine. Est-ce que c'est artistique? Bah oui, un peu. Ah. Oui, si. Est-ce si, que si. Ça coûte cher à faire? Franchement, ouais, je pense. Est-ce qu'il faut absolument être plusieurs? C'est un truc communautaire? Ouais. Ok. Tu peux le faire tout seul, mais là, en l'occurrence, ils étaient sur le web. Non, non, non, c'est dans. Ils se sont rassemblés. Ouais. Pour le faire. Dans le dur. Est-ce que ça fait son visage avec un drone et il se donne la main? Non, tu t'approches. Avec des c'est un portrait de lui? Un tifo, un d'une truc comme ça? D'une certaine manière, c'est plutôt un portrait de lui. Mais genre avec chacun un élément et la multitude d'éléments? Non, vous cherchez un truc. Ils se sont fait refaire le visage pour lui ressembler? Non. C'est un cauchemar là. Une foule en plus. L'armée d'Elon Musk. Puis tu sais, boursouflé de la chirurgie d'il y a deux heures, donc c'est pas. Ouais, non, ça serait terrifiant. Mais non, c'est pas ça. Un masque? Ils ont porté un masque d'Elon Musk? Non. Un Elon Musk du coup. Allez, mais quoi? Oh là là! Adrien Menhir. Ils sont allés dans un stade et avec des pancartes, tu sais, ça fait. Ils peuvent dire Elon Musk est super. Ouais, voilà. Non, c'est une vraie construction. Une vraie construction. Voilà, une pyramide humaine. C'est un truc en. On s'approche. C'est un pyramide. Truc en 3D, c'est un truc comme ça. Ouais, pyramide. Ah, c'est un bâtiment. C'est une sorte de. C'est pas un bâtiment. Ah, un paquito géant, là, comme au Pays Basque, là, tu vois. Un paquito. Pas. Moi, je vois du jus d'orange, malheureusement. Les DJs, pour ça, ils connaissent tous les trucs. Non, vous voyez pas ce que c'est, le paquito? Non, vous voyez pas ce que c'est. Ah, il y a un mariage sur deux, moi, où il y a un paquito et ça me. C'est dans le sud-ouest, c'est une tradition, quand c'est vraiment la fête qui mérite le paquito, c'est les gens longe un peu les uns devant les autres, assis les uns derrière les autres, font une genre de chaîne. Ah, il faut passer les gens. Et ensuite, c'est comme un peu comme un slam, mais oui, version rail. C'est ça là? Non, c'est. Pin. Ah oui, c'est ça. C'est la reprise de diplôme, ça, non? Ah, d'accord. Parce que nous, on faisait juste Cotton Eye Joe, on était les bras en l'air et les gens passaient dessous en basque. C'est un peu ça, mais c'est une version. C'est la version basque. Ouais. Putain. C'est un peu bourgeois, non? Non. Ça sort par terre. c'est les rois de France qui faisaient ça, je crois, de mémoire. La reine le faisait, la reine. On y revient. Donc c'est pas un paquito du coup. Un château de sable, une espèce de truc. Non, bah t'es un château de cartes. Vous êtes un truc plus normal. Une sculpture NFT. Une sculpture, une statue. Une statue à l'effigie d'Elon Musk, mais pas n'importe quelle statue. Alors au début, vous allez peut-être pas vraiment comprendre à quoi ressemble la statue. Donc c'est en fait, Cristiano Ronaldo. Oh ouais. Mais attends, c'est un phoque sur un, alors, sur un missile. Il y a quand même un truc avec la tête d'Elon Musk. Non, c'est la tête d'Elon Musk sur une fusée. Et alors effectivement, tu as remarqué, son corps est un peu surprenant. Ils l'ont raté tout simplement. Non, non, c'est le corps d'une chèvre. Parce que c'est le goat. Parce que c'est le goat. Je l'ai. Oh là là. Ça, c'est vraiment les pires personnes c'est de la Terre. C'est les crypto-boys, je pense, qui ont fait. Alors. Tu ne crois pas si bien. Je pense que c'est quoi ces gens, ils font putain, on s'est fait battre. On a des gens pires que nous. C'est quoi ces gens, on a tout raté. On peut raccrocher les gants, on a plus besoin. Ils s'en occuperont pour nous. C'est quoi le terme pour l'inverse d'une masterclass dans le jargon là. Non mais là c'est oui, donc c'est goat qui veut dire chèvre et le meilleur de tous les temps, GOAT, voilà, je le dis au cas où. La structure de plus de 10 mètres de long est composée d'aluminium. Elle a été commandée à l'artiste canadien Kevin Stone par la société, et c'est là où tu ne crois pas si bien dire Antoine, la société de crypto-monnaie Elon Goat Token. Donc c'est un voilà. Putain, c'est carton plein. Tous ces mecs sont topissimes. C'est comme ça qu'on les décrit. Le financement de ces statues à l'effigie d'Elon Musk a été réalisé en prélevant une taxe sur chaque transaction de crypto-monnaie. La livraison de l'œuvre qui peut lancer du feu, faire sortir de la fumée, jouer de la musique ou encore éclairer est prévue pour cette semaine, oui, le 26 novembre. Éclairer, c'est quand tu cherches tes clés le soir. Je prédis que ça va être la statue qui va être le déboulonné le plus vite de l'histoire de la statue. D'habitude, c'est plusieurs siècles. Là, je mise sur un an. Non, mais un an max. Je crois qu'ils veulent lui offrir. Hein. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Hein, aussi. Ah, bah oui. Il peut dire oui. Ah oh bah il serait un DJ. Con comme il est, j'ai dit. Un gars. Vu l'oiseau que c'est. Oh là là. Et c'est quoi l'expression? C'est pas le pingouin qui glisse le plus là? Je sais pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a toute une. Ah c'est tout la le mode. Le monde ça, sort ça. Ouais. Avant c'était c'est pas le couteau le plus aiguisé. Ouais, voilà. Ouais. Maintenant j'en entends une nouvelle chaque jour. T'es sacrément con, moi c'est ce que disaient mes parents. Il disait tête de con. Tête de con. Ça marrant, ouais, lui c'est une vraie tête de con. Donc un DJ a dû payer une amende. Bah c'est pour toi ça. Allez, il a assumé. Allez, tu le fais trop bien. La transition, le mec. Donc je dis DJ, mais c'est les initiales de DJ Joker. C'est vraiment que ça s'arrête jamais, ça devient un cauchemar. Genre, en fait, je rêve depuis le début. Je venais de faire un scratch, mais d'aucuns auraient pu croire que c'était Yoshi dans Mario Kart, mais c'était un scratch. Donc tu me feras batterie tout à l'heure. Ça m'a donné un peu chaud premier degré en vrai. Je vais peut-être enlever ma veste. Oh la vache. Attendez, excusez-moi. Il n'y a plus aucune volonté de faire la voix. J'ai eu Yoshi, ouais. Donc un DJ a dû payer une amende et a subi un avertissement de la police ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la licence du bar où il travaillait. À votre avis, qu'a-t-il fait? Ah, je sais. Il a dit vous êtes fatigué. Et les gars, ils étaient pas fatigués du tout. Ouais. Non, est-ce qu'il a reproduit la scène de la haine? Il a joué. Non. Donc non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il n'a pas mis de la musique. J'ai oublié la question. Du coup, il a payé une amende. Il a subi un avertissement de la police ainsi que l'ouverture d'une enquête. C'est bon. Bakri, peut-être. Ça m'énerve. Non, je le prends après. Faut pas te lancer. Franchement, fais comme moi avec le jingle d'Adrien. Mets-le un peu finement. J'attendrai le bon moment. Mais fais-le sur scène, ça. Et dis-moi quand tu le fais que je vais dans le public. Non mais j'attendrai qu'il y ait un truc qui m'énerve réellement parce que ça va, je pense que ça va convoquer le personnage. Bien sûr. Ce qui arrive pas souvent en plus. T'es un peu le Daniel Day-Lewis du stand-up. Est-ce que c'est lié à la musique qu'il aurait passée? Exactement. Cascada. Il a mis deux fois le même morceau. Ça ne se fait pas du tout non plus. Non. Oh là là, petite blague de DJ. Ça. Ouais. Ça, elle va régaler les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui. Il a enchaîné un truc à 119 BPM avec un truc à 121 BPM. Oh non, mais le nombre premier. Il a même pas mis l'original, ce bouffon. Attends, est-ce que c'est... Attends, c'était en France le truc ou pas? Non, pas du tout. Ah oui, mais... ah bah ça, ouais, ah. Ouais. Parce que moi j'ai un référentiel français, ça change tout. Est-ce que la musique en question insultait les keufs? Alors, d'une certaine manière, mais ce n'est pas une, c'est pas une chanson qui a été composée et écrite pour insulter la police. Est-ce que c'était un truc genre un, comment ça s'appelle, un ultrason ou un truc comme ça? Ah non, non, c'est une vraie chanson. Ah, il a mis une chanson. Est-ce que les paroles, ça te dit genre chicken, chicken et un t'es truc pas loin. Genre t'as pas loin. C'est ça en gros, mais est-ce que je donne la réponse? C'est quoi chicken, c'est chicken? Non, mais genre les poulets quoi. C'est des poulets. Ah, c'est un truc sur la police. Voilà, c'est ça. Bah, il a mais, oui, sauf que c'est pas. Non, à l'origine, la chanson parle pas des flics. Ah oui, non, mais c'est genre. C'est mais... genre ah oui, c'est genre, il y a les flics qui arrivent et il met la danse des canards, tu voilà, vois. Où voilà, où Sébasto fait la poule. Pas. Oui, fait voilà, la poule de Sébasto. Ouais. Tout se recoupe. Ouais. Je suis assez fort pour aller chercher vraiment. Il y avait dans l'épisode Sébasto, je suis canard qui marche pas avec flics. Donc, topissime l'intervention. Allez, merci. C'est tout pour moi. Oh, il connaît tous les termes de stand-up. Ça, c'est un terme de stand-up. Tu le fais bien. En plus, ils disent pas chicken. En anglais pour, alors, pour les flics. Justement. Ils disent 22. Oui, non. Ils disent, ah, les pigs. Pigs. La chanson de Cypress Hill. Peppa Pigs. Pigs. Il a mis le générique de Peppa là Pig. Là. Ah, joli. Je pensais pas que vous la Salt trouveriez. Magnifique. Le DJ. Oui. Il m'a fait un clin d'œil. Etienne, il aime bien. C'est un DJ. Hein. Donc oui, il a joué le générique de Peppa Pig quand des policiers sont entrés dans son bar. Le DJ était embêté car la police a voulu appliquer des règles strictes au bar alors que lui n'est que le DJ. Donc en fait, il a mis le bar dans la merde. Ah. C'est ça le compliqué. Ah, ouais, franchement, les flics, c'est un artiste. Un peu des snowflakes. Hein, donc les flics voulaient réduire les sons. Non mais genre, tu mets Peppa Pig, tu fais quoi? Amende pour tout le monde. Non mais calme-toi. Oui, ils voulaient réduire les heures d'ouverture par exemple, mais les policiers n'ont pas obtenu gain de cause. Le bar a simplement dû engager du personnel agréé. En fait, ils ont regardé toutes les irrégularités du bar pour faire chier quoi. Le mec n'a plus le droit d'être vu avec un porc en public. Ils ont dû mettre un vigile à l'entrée. Par contre, le DJ, et c'est là où l'histoire est belle, la propriétaire n'a pas voulu le sanctionner et continue de l'engager. Ah. Encore aujourd'hui, elle lui a juste demandé de ne plus boire quand il passe des disques. Ah. Apparemment, il était un peu bourré. Et de se branler dans les loges aussi, mais ça avait rien à voir avec l'histoire, mais c'est toujours un peu crado quoi. Il avait dégueulé sur les flics aussi. L'histoire ne le disait pas. Etienne, toi qui as été disque jockey, tu es toujours, oui, pardon. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des trucs relous avec des clients parce que moi j'ai l'image du client qui arrive. Bah, que ça, j'ai vu. Alors, Etienne déteste tout le monde. Là, je viens de voir le rictus de. Les DJ, ils ont leur. Peuvent tenir 3 heures sur les mecs relous qui demandent une chanson. Non, mais qui disent ah ouais, les gens qui font ça, les gens qui font mais ça. Mais c'est pas ton premier sketch. Bon, allez, arrêtez, c'est bossé là. Ah. Non, c'est vrai que j'ai mis quelques petites incartades de ça dans le premier sketch qu'on a fait. Et effectivement, le classique, le truc relou par excellence de base, c'est le mec qui vient te demander un morceau, tu vois. Ouais. Et alors pourquoi j'essaie de déconstruire, tout simplement. Déconstruire, je t'en prie. Il va mettre son jingle. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui est si énervant? Eh bien, j'ai une blague, justement. On la donne, celle-là, je la donne. Au pire, on l'a donnée. Attends de voir leur réaction avant de dire. Je sais pas si on mérite. Mais on peut la couper si jamais. T'auras un silence de plomb. Voilà, bon, bah, c'est quelques petites écritures comme ça. Bon, tu peux être sûr que je vais pas la faire, du coup. Ouais, bah là, oui. Ça met bien en confiance. Non, mais je dis, c'est vraiment le truc qui arrive. En fait, il y a que avec les DJ qu'on peut se permettre ça. D'accord. Probablement parce que tout le monde est bourré. Oui, tu ferais pas ça dans un truc de stand-up, tu vois. Oui, j'en fais cette vanne. Je fais la vanne de je vois pas un gars, il se lève là, il vient me dire tu veux pas faire tel sketch. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Oui, non mais c'est vrai. Mais c'est est-ce qu'il y a vraiment un truc chez les tu le fais au feeling ou est-ce que tu le prépares avant? Moi c'est un truc que je. Oui, oh. Genre il te dit tu fais le blond de. Ouais. Je fais ça et je dis le lâcher de salope de Bigard. Ah bah. Non. Un classique. Excuse-moi. Hier qui est toi avec le filtre vieux de Jean Fessap. Il a pas dit Florent a fait une drôle de tête, mais non, c'est vrai en fait. Il n'a pas genre. Il s'est pas dit, permis cette il a liberté. Pas dit. Je l'ai vraiment déjà envoyé, c'est pour ça. Non mais je rassure les auditeurs. Non mais parce que c'est très violent. Juste une insulte. Ouais. Il a pas dit ta gueule au fait. Il a pas dit filtre gros. Il a dit filtre vieux. Ça y est, j'ai chaud. Ça y est, j'enlève mon pull. Vous avez gagné. Non mais parce que DJ, là, parce qu'en transition là. Non mais parce que c'est vrai qu'en plus le visage de Jean-Marie Bigard ressemble de plus en plus à une pomme de terre. En plus. C'est ça. Non mais c'est vrai, il ressemble vraiment. Vrai. Mais le mien aussi techniquement. Donc... Mais non, c'est vrai que il y a un petit air de famille jeune quand tu le vois jeune, il y a quelque chose. Et quand je fais le filtre vieux, effectivement, je le ressemble un peu. Mais quand tu fais le DJ dans des soirées, dans des clubs, est-ce que t'as fait aussi des mariages, des trucs? Est-ce que tu sens des petites différences entre franchement. Évidemment, je te demande immédiatement les pires. Quels sont les pires? Bah, le mariage, le problème, c'est que c'est il y a une dimension familiale, ce qui fait qu'en fait, personne sera jamais content quoi qu'il arrive. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire que t'as deux familles à contenter et c'est déjà impossible de base, tu vois, donc c'est perdu d'avance. Après il y a des petites clés, il y a des petites périodes musicales qui sont assez rassembleuses. Ah, Sardou. Ouais, System of a Down par exemple. Mais une fois, c'était un mariage entre, c'était des gens qui s'étaient rencontrés à la fac. Elle était chilienne, lui il était roumain, tu vois. Ok. Donc tu fais déjà les codes de c'est base. C'est une blague de Bigard. Oui, ouais. D'accord. Je la fais sur cette. je fais l'accent et tout. Faut dire Adrien que c'est deux pays différents. Toi qui n'as plus le concept de frontière. Oui, ah, oui, pardon. J'étais complètement perdu là. Je vois pas le problème. J'étais en train de googler. Tu m'évites. Ok, je vais pouvoir revenir dans la discussion. Après, juste, vous avez dit, t'as dit il et elle. Ça, c'est ça ce que vous appelez le genre. Moi, je suis complètement. Enfin, il y a rien. Ça, ouais. Est-ce qu'il y a au moins une tuile sur toi? Non. Oh, c'est une esplanade, le gars. Mais ouais, un terrain vague. Le terrain n'a même pas été acheté. On a juste demandé le permis de construire. Tu joues à SimCity là, tu lances la partie, c'est moi. C'est toi. Ils ont mis un portrait de moi là maintenant. C'est une poule. Pardon, donc oui, tu faisais un mariage. Ouais, avec en deux fait, familles très différentes. Mariage, ce qui est relou, c'est que déjà, au lieu d'être que t'es considéré comme un artiste, il y a ton nom sur l'affiche et les gens peuvent potentiellement venir te voir. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est genre, tu bouffes avec le personnel avant et tout. Enfin, t'es pas du tout traité de la même manière. Ouais. Bon, ça, à la limite, why not, c'est le jeu, tu vois. Ouais, ouais. Sauf quand le marié t'a dit, t'inquiète, on se connaît, je te mets à la table avec les copains et qu'au dernier moment, pas du tout, il y a un gars qui ramène sa meuf, c'était pas prévu. Et effet domino, tu bouffes en cuisine. Pierre, je t'embrasse. Ah, voilà. Ça j'aime. Quand on met les gens en face. Ça, Chris, ça l'aurait énervé. Hein. Ouais, mais je le dis pas tout de suite. Je sais pas du tout ce qu'il aurait pu dire. Je vois pas comment il aurait pu l'exprimer, quoi. Quelqu'un autour de la table. Ouais, non, je vois pas. Je me gratte la tête. Flo. Je vois pas ce qu'il aurait pu dire. Je vois pas non plus. Je le ferai. Enfin, je vais. Ah, là, ah, il hésite là. Non, mais faut que je m'inspire, faut que je le revoie avant parce que. Ah, non, mais... Quel ringard. Faut que je me réimprègne. Tu sais qu'on veut pas que tu le fasses bien. Hein, pas dire, Mais si tu crois que le fait de me le réimprégner, c'est que je vais le bien faire. Remarque, c'est vrai, pour moi, plus tu le prépares, plus ça va être bien. Parce que, au final, putain, il va nous faire une masterclass. Ouais, c'est ça. Chaque seconde qui passe, ce sera moins bien. Coucou, c'est Bakri, je suis énorme. C'est comme si à chaque fois avant de plonger, je fais non, mais je vais aller sur le plongeoir du dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est trop bas là. C'est trop bas pour moi. Je pourrais pas faire assez de salto. Enlevez de l'eau. C'est un non événement là. Je ne vais pas faire assez de plongeons de salto. Vider la piscine un peu là. C'est... Putain, arrête pas de te couper, pardon. Ouais. Non, mais donc tu étais en cuisine, donc c'est déjà pas dingue. Ouais. Pierre-Yves, bien joué. Non, et puis après, t'as tout le monde qui te dit. Là, littéralement, les requests, ça devient du harcèlement, quoi. C'est genre, mets ça, fais ça, change. Truc. Et est-ce que les gens ont de l'originalité, ou est-ce qu'en vrai, c'est tout le temps les mêmes chansons? Au mariage roumain-chilien, j'avoue, ouais. J'étais parfois un petit peu genre, je l'ai pas, désolé. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Mais et non. Tu peux pas mixer. En général, attends, juste pour, non, juste pour répondre, en général, non, te demande ouais. Celle que tu viens de mettre, 9 fois sur 10. Quoi, ah ouais, vraiment. D'accord, ok. Ou carrément, il y a déjà eu. Ça, c'est arrivé à Teki. Il m'a raconté, c'était le mec vient lui demander le morceau, il insiste. Il le met, le mec danse, il kiffe avec ses potes et tout. Le morceau se termine, il revient, il lui dit remets-la. Bah oui, vas-y. Ouais, je peux faire le chien aussi si tu veux. Vas-y, fais Bakri. Ça m'énerve ça. Ouais, je sais pas si bien. Non, là c'est Adrien qui l'a fait, attention. Ouais. Non. Pas un enregistrement de Bakri. Non. Mais et en fait tu peux pas genre parce que tu dis je l'ai pas, tu peux pas genre avoir Spotify et. Bah ça oui voilà, ça c'est une excuse à l'ancienne. C'est genre oui, vraiment désolé je l'ai pas. Et maintenant ça passe moins. Quoi. Bah vraiment un jeune le mec il te regarde, il comprend pas ce que ça veut dire littéralement. Il est comment ça tu ne l'as pas. Ouais. Mais moi non plus. Tu n'as pas d'abonnement, tu n'as pas la 4G. Et ouais non bien sûr que c'est relou. D'ailleurs le fameux mariage en question là où je suis dans la cuisine, il y a un mec qui insistait au bout d'un moment, je lui dis vas-y fais une demi-heure parce que t'as l'air de savoir ce que tu veux faire. Bah c'était un peu là pour le coup, c'était un peu mariage de potes, c'est pas une presta. Ah d'accord, de potes à toi. Ouais. Okay. Oui, donc t'es là bien gentiment déjà, j'ai l'impression. Ouais, bah, ça sent que j'ai en train de faire ce mariage encore. T'étais là gratos quoi. Et j'ai bouffé dans la cuisine putain. T'étais payé quand même. Allez, on enchaîne. Alors DJ toujours. Ah, c'est ça ton DJ toujours. Je suis ravi d'être là. C'est pas souvent qu'on m'invite. DJ toujours. Itsuki Morita est un DJ avec un record du monde. À votre avis, lequel? Etienne bah, Eliosès. Attends, pardon, tu peux répéter le Itsuki nom? Itsuki Morita. C'est rien à voir avec Ami Morito. Non, c'est pas un anagramme de Rita Mitsuko. Non. C'est vrai, son record. En vrai. Non. Itsuki Morita, c'est un japonais en tout cas. Bah, le plus long DJ set sans dormir, sans. Alors, ça aurait été très beau, mais ce n'est pas ça. Ok. Il fait le record de vitesse du scratch. Non. Plusieurs. Ah, peut-être le record de disque passé sur une période donnée. Tu vois, il enchaîne vraiment, il laisse les morceaux une seconde en gros. Non. Est-ce que c'est genre, il a mis le plus de fois le même morceau d'affilée justement. Et c'était évidemment un mariage. Ah non, ça c'est mon record ça. Et c'est Sandstorm de Darude d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Il a mixé à l'envers. Non, alors c'est pas une performance de DJ qu'il a fait. Il a mixé M. Oh, oh, oh, oh, alors, on croit qu'il tombe. Et en fait, c'est une cabriole, il fait un salto. Putain. Ah, c'est un truc physique. Enfin, genre le volume de son, un truc comme ça. Ah, non, mais genre, non. Il a 102 ans et ça fait 80 ans qu'il est. C'est pas la ça, plus longue carrière. Tu t'approches, c'est pas ça, mais plus jeune, il a commencé plus jeune. C'est le plus vieux. Non, alors c'est le plus normal. C'est là, il a l'âge le plus moyen pour mixer. Il a 44 ans pile. Et on lui offre le record du coup. Non, c'est le DJ le plus jeune du monde, tout simplement. Votre avis, il a quel âge? Il a 4 ans. Ouais, du coup c'est décevant. Il a 6 ans. L'élève d'une école primaire japonaise est récemment devenu le DJ le plus jeune du monde, établissant un record officialisé par le Guinness Book du record après avoir joué un set public d'une heure à Osaka au Japon. Il dit, j'ai vu des gens faire ça et j'ai pensé que ça avait l'air amusant. Il dit, mes parents me forcent à faire des trucs. Ouais, depuis que j'ai 3 ans. Ok, très bien. Mais ça, c'était carrément une émission. Je sais pas si vous vous souvenez, l'émission sur TF1 de Bataille et Fontaine. C'était genre, pas Graine de Star du coup, mais Enfant Star. C'est là où il y avait Priscilla. C'est là où Priscilla est devenue connue. Priscilla, c'est pas Graine de Star, justement. Non, ça c'était M6. Ah ouais, et sur TF1, c'était genre les enfants. Power Rangers, ça. Non, c'était genre les enfants stars. Et c'était très gênant parce que tu sentais que des parents qui disent, allez. Ouais, fais-le. Le magazine Rolling Stone. Attends, Priscilla, c'est celle qui avait fait Teste-moi, déteste-moi. Oui, c'est les paroles les plus glauques à Ouais, c'est un peu glauque à posteriori. Mais surtout, regarde-moi. Très jeune. Ça, teste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Il est un peu toxique. C'est un peu les influenceurs. Maintenant. Ça parlait de ça déjà. Oui. Attendez, laissez. Allez, ouais, attention. Il n'a pas la moindre brique en lui. C'est vrai. Pas de fondation, bâtiment et pas de zéro. C'est un terrain vague avec quelques débris. Adrien Meynier, les putains de construits. Y'a que des gravats. Romain Grava. Le magazine Rolling Putain, Stone. Tu traînes vraiment avec des rappeurs parce que ça. Bah ouais. Non mais un mec comme ça normal, il a pas ce flow, tu vois. Non mais déjà il la connaît pas la chanson. Moi c'est parce que j'ai gratté dans des vieux disques. Ouais, de Def Jam. T'as digué parce que ce son il est assez. Ouais. Dans tes boîtes là. Non, je suis comme Puzzati, c'est des vieux trucs. Le magazine Rolling Stone a classé les 500 meilleures chansons de tous les temps en 2021 récemment. Donnez-moi. Allez, quelques chansons. Ils le font tous les ans ? Non, justement, là, il l'avait pas fait depuis des années. Les Fugees, en général, il y a les Fugees dans ces trucs-là. Alors, je vous demande dans le top 50. Bah, après, voilà. Ah, dans le top 50. Okay. 43 morceaux des Fugees. Non, alors, il n'y a pas une chanson des Fugees. Il y a U2, j'imagine. Il n'y a pas U2. Mais attends. Pardon. Alors, parce que j'ai dit qu'elle est méchante, c'est votre rire. Non, oui, c'est ça. Alors, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Alors sur Rolling Stone Magazine, donc il y a pas mal de rock, mais il y a aussi un peu de rap, de la pop. C'est ça. La dénomination, c'est tout confondu les plus. C'est tout confondu, mais il y a quand même principalement du rock. Je vais pas. Alors il y a les Beatles. Ouais. Les Rolling Stones, justement. Il y a les Beatles. Il y a les Beatles. Springsteen. Il faut dire un titre des Beatles. Non, je vais vous donner. Come Together. Non. Alors par contre, c'est le top 20. Excusez-moi, c'est pas le top 50. Ouais, mais dans le top 20, qu'est-ce qu'on doit trouver là? C'est un jeu. Des groupes qui sont dans le top 5, dans le top 20. Ah, des groupes juste. Groupes. Et puis si vous avez la chanson, c'est bien. Alors attendez, je vous réponds dans l'ordre. Non, t'inquiète. Dans les Beatles, il y a Strawberry Fields Forever. Donc ça, c'est vraiment genre on en connaît des. Ah oui, c'est pour montrer qu'on n'a pas choisi la connue. Mais il y a. Oui, exactement. C'est vraiment le principe du classement. Et il y a I Want to. Et il y a aussi I Want to Hold Your Hand, qui est quand même plus connu. Ouais. Non, elle est moins connue. Non. Ah ouais, on en connaît bien. Non, elles sont méga connues d'avant les deux. C'est Jingle Bells la meilleure en vrai. Alors tu m'as dit Bowie n'y est pas dans le top 20. Je suis assez content. Ah ouais, putain, j'adore Bowie. T'aimes pas David Bowie? Je suis dans l'espace, oui, allez. Mais est-ce que t'es énervé? Oh, est-ce qu'on peut faire ça avec tout? Est-ce que je peux dire plein d'artistes? Attendez, parce que t'aimes pas Bowie ou t'aimes pas les gens qui lui ont rendu hommage quand il est mort? Je suis pas très sensible à l'œuvre de Bowie. Ah, ok. Ah, mais un jour tu verras. Tu vas rentrer dedans. Un jour, bah, mais attends, il y a un Starman dans les étoiles. À ton âge, j'étais pareil. Non, mais attends, t'as pas lu les paroles aussi. Ouais, attends, ouais, une fois que tu lis, c'est de la poésie. Il y a un mec des étoiles qui est dans les étoiles. Attends, c'est quand même fou ça. Elton, juste pour savoir, Elton John. Ouais, ça va. Ouais. Ah, ok, d'accord. Putain, c'est vrai que c'est après, propre. Je rappelle que je suis déconstruit. Ah, oui, d'accord. Donc, okay. Ah, oui. Tu avais dit d'autres groupes après les Beatles, pardon. Non, j'avais dit Bowie. Bah, Springsteen. Ah, oui, Springsteen. Springsteen n'y est pas. Bon, les Rolling Stones, c'est sûr. Oui. Ouais, les Stones y sont avec Gimme Shelter. Okay. Est-ce que. Attends, est-ce qu'il y a un. C'est groupe du rock. De rap. C'est quoi, c'est du rock? Il y a du rap. Le numéro 2, c'est un groupe de rap. Cypress Hill, Wu-Tang Clan. Non. C'est plus. Pensez à un WA, Kendrick. Non, pas Kendrick. Pas la rumeur. Malheureusement, Kanye. Non. Non, ah, mais attends, là. Dr. Dre, P. Diddy. Non. Jay-Z. Non, non. C'est un groupe. Ah, c'est un groupe. Un groupe. Jay-Z Boys. Jay-Z. Non, pas BC. Jay-Z y est avec Beyoncé, 16ème avec Crazy in Love. Attends, c'est les meilleures chansons du monde? Ouais, selon les Rolling Stones. Est-ce que tu la passes celle-là? Mais attends là. Attends, Wu-Tang ça a été dit, ouais, non, il n'y a pas de la soul. Non, pas de la soul. Putain, c'est quoi le groupe le plus populaire du monde? Ouais, c'est un groupe très connu. J'allais dire Jurassic 5, mais du coup, c'est pas eux. Non. Si c'est un truc genre Limp Bizkit qui est pas vraiment du rap, ça. Public Enemy? Public Enemy avec Fight the Power numéro 2. Ça, c'est la deuxième. Numéro 2? Deuxième meilleure chanson de tous les temps. Ouais, bon. Je pense qu'il y a un gars qui a fait ce classement. Je pense qu'ils ont dit, les gars, sur 500 chansons, il y a que des blancs. Bah, on va mettre Public Enemy en 2. Mais cela dit, j'adore Fight the Power. Elle est vraiment une chanson de ouf. Non, mais elle est bien. De là, c'est la deuxième meilleure chanson de tous les temps. Ouais. J'ai l'impression que vous n'avez et pas du coup, conquis. On doit trouver le premier. C'est quoi le jeu là? Je bah préférais quand c'était les Fugees, tu vois là. Non, mais il faut trouver des groupes. Ça fait 5 fois qu'on le dit en fait. la première. Non, mais je vois bien que tu regardes des vidéos de Bakri depuis 20 minutes. Mais là, j'aimerais que tu reviennes un petit peu dans le jeu. Build up son Bakri, là, ça m'énerve ça. Là, c'est Helmut Fritz là. Il est pas derrière, non? Non, il y a pas Helmut Fritz. Pas quand je bois, putain. Et non, il y a pas Helmut Fritz. Alors, ça va te surprendre, il y est, et c'est pas pour ça m'énerve, mais ça m'énerve le confinement. La deuxième. Quel retour ça aussi. Quentin Mosiman remix. Putain, c'est vraiment des spécialistes. Pour l'instant, on a dit que des hommes. Alors je vais te rassurer tout de suite, il y a très peu de femmes. Sauf dans les 20, il y a quand même. Sauf y a la première. Ah, c'est une femme la première. Il n'y a pas New York. Non. Non, il n'y a pas New York. C'est pas Mariah Carey. Non. Attends, si c'est. Une femme contemporaine, c'est Whitney Houston. Non, pas Whitney Houston. Pas contemporaine, bah c'est récente, mais non, elle ne fait plus de musique. Parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est décédée, je veux dire. Je crois qu'elle est décédée, je vais quand même. Aretha Franklin. Et la bonne réponse. Ouais, très bon choix. Avec respect. Faut le dire avec un H après le P, comme je l'ai fait. Non, mais je vous donne un peu le classement rapidement. Aretha Franklin, Public Enemy, Sam Cooke, ça je connais pas, Change Is Gonna Come, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Nirvana, Smell Like Teen Spirit, Marvin Gaye, What's Going On, Off. T'as dit Off sur Nirvana. Non, Rof n'y est pas. Non, Rof est absent. Putain, vous avez vu les images du concert de Rof hier à Bercy? Bah oui, non. J'étais même deg parce que je savais pas qu'il y avait. Ah ouais, incroyable. Attends, l'ambiance était. J'ai vu quelques stories. J'ai vu que c'était entêté. Pourquoi alors? Bah parce que le concert était ouf. Genre l'ambiance était dingue. Et en fait, c'est génial parce qu'il a dû annuler plein de dates parce qu'il n'a pas rempli en province. Et là, le concert à Paris, c'était complètement dingue quoi. Il y avait vraiment l'ambiance était n'importe quoi. Il a joué 2h50, je crois. Ouais, donc bon, grosse générosité. c'est trop long. Hein, ouais. Selon moi. Moi, 45 minutes de concert, c'est très très bien. Très très bien pour moi. Les Beatles, Missy Elliott, Fleetwood Mac, Outkast, les Beach Boys, Stevie Wonder. Ah, Beach Kings, Boys, on aurait pu y penser. Ouais, Beach Boys, God Only Knows. Queen, Bohemian Rhapsody, Prince in the Revolution, Purple Rain, John Lennon, Imagine, etc. Allez, c'est gênant, on a tout oublié. si vous devez citer, vous, des chansons un peu importantes, chansons à laquelle vous revenez souvent. Alors, faut jamais trop y réfléchir, hein, c'est plutôt des chansons qui vous viennent comme ça. C'est le cauchemar toujours, ça. Ouais, je déteste. Moi, allez-y, répondez. Etienne, toi, est-ce que t'as des chansons comme ça Difficile. Moi, je voudrais pas faire le digger, le mec qui sort le son pas connu et tout, donc je vais généralement chercher un truc. Parce que c'est pas non plus mon style, mais c'est vrai que j'écoute quasiment rien moi. T'écoutes pas trop de musique? En fait, je découvre à méga posteriori des super méga stars et après j'écoute un seul album en boucle. Ouais, moi j'ai ça aussi. Je l'ai fait pour Phil Collins, je l'ai fait pour R. Ouais. Et je l'ai fait aussi des fois pour des artistes inconnus, notamment une japonaise qui s'appelle Taeko Onuki. D'accord. Et il y a une des chansons de son album là qui évidemment c'est en japonais donc je vais vraiment pas là si je prononce je vais tuer 5 japonais dans le monde donc je vais pas le dire, mais là c'est le dernier truc que j'ai digué et en fait j'ai tellement pas la mémoire de la musique, ce qui est l'inverse d'un DJ. Ouais. Quand je suis devant l'ordi en soirée en mode vas-y mets un son, je suis bloqué. Ouais, je sais vraiment où je vais. Bah je vais vous mettre le truc que j'ai écouté dans la voiture. Il y a une minute parce que j'arrive pas, j'ai pas le. Alors je vais faire la belle image. J'arrive pas à fouiller dans mes, dans mon bac à disques en fait. Ouais, dans, bien sûr. C'est un peu l'origine du remets-là, ça. C'est genre t'as envie de dire un truc mais t'as pas forcément d'idée de, donc du coup tu sais pas remets-là. Ouais, remets-là était bien. Non mais moi j'ai un peu ce truc comme toi aussi. C'est-à-dire je m'intéresse à un artiste et après je veux vraiment consommer le truc. J'ai eu ça avec Daft Punk en vrai. Je connaissais Daft Punk, tu vois, mais je connaissais les trois chansons de Daft Punk et quand ils se sont séparés, je me suis dit, ah bah tiens vas-y. J'ai beaucoup ça quand les artistes meurent. Ouais. Quand il y a un artiste qui meurt, je fais putain je connaissais pas trop. Bowie j'ai beaucoup écouté après sa mort. Moi j'ai découvert David Bowie après et ça c'est aussi, alors là c'est encore plus une phrase de trou du cul mais les je crois que je préfère quand ils sont morts. Non non les vinyles ça m'a fait, ah, ça m'a t'as fait plus trou du cul. Non mais pourquoi les vinyles, sac à merde là carrément hein. Pourquoi les vinyles, je vais pas faire cette phrase de bon, le son c'est incomparable. Non c'est le fait d'écouter un album dans sa continuité dans sa continuité qui a été pensé pour ça et tout et du coup découvrir des chansons pas forcément connues et ça c'est vraiment cool. Moi récemment j'ai eu ça avec Pulp par exemple, que je connaissais pas du tout le groupe Pulp et là depuis 2 ans j'écoute en boucle Pulp tout le temps. Et puis le fait de l'écouter en boucle aussi à la première écoute, il y a les chansons les plus abordables, les plus faciles que tu vas aimer et il y en a certaines c'est genre ouais celle-là elle est un peu moins bien et tout. Moi ça m'a fait ça sur No Jacket Required de Phil Collins là et en fait je l'ai tellement écouté dans la bagnole parce que dès que je prenais la bagnole je l'écoutais, à la fin c'était genre wow, je commence à comprendre cette chanson, au début je l'aimais pas et là maintenant ça y est. Putain. C'est ma préférée et tout etc. Voilà, ça c'est une vraie phrase de sac à merde. Non, moi je te sac à merde mais je te rejoins. Moi c'est comme moi j'écoute la musique personne m'a rejoint sur le vinyle par contre, donc c'est quelqu'un peut me rejoindre vite fait. Non mais oui si je suis d'accord, bon, en plus t'es obligé de l'écouter et puis t'as pas beaucoup de vinyle donc en plus tu vas souvent écouter les mêmes albums c'est ça, c'est ça. Et c'est en fait ça, c'est cool. La réécoute et la réécoute qui fait que tu c'est ça. Etienne, pardon, tu disais non, non, j'allais juste dire que moi j'écoute les morceaux en boucle en fait. C'est-à-dire je les écoute, mais vraiment en boucle, en boucle, en boucle quoi. Je peux, en une journée, j'écoute trois chansons limite. Quoi. Ah ok, d'accord. Ouais, t'as vraiment... Ah oui, t'es fou en fait. Toi. Ouais, ouais, non, mais, ouais, mais je comprends. On peut. Ouais. Non, mais bien sûr, je le dis en le disant, j'ai bien s'imprègne, le mec. La sensation de te lever la balle pour que tu smashes. Mais en vrai, ouais, je sais pas, c'est comme ça. J'aime très peu de trucs. Je suis pas très très ouvert. Enfin, je suis pas. Ouais, dis pas ça. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Et au final, par contre, quand j'aime un truc, c'est genre le meilleur truc du monde. C'est ça. Mais moi, la course à pied, j'ai découvert la... Non, non. Il y a une chanson sur la course à pied, à mon avis. Parce vous que allez voir. La course à pied, Excuse-moi, sous-entendrais-tu que mes jingles sont un poil beaufs? J'arrive pas à savoir. Quel rapport avec tes jingles? Ah, je croyais que tu disais que c'était un jingle que j'allais lancer. Non, je disais que c'était une chanson. Pardon. De l'entre-deux-guerres. C'est ça. La course à pied. Moi, là, course à pied. La course à pied de Zizi Jean-Mer, oui, reprise oui, par Bruel en 2004. Ouais. Non, non, c'était c'est de la bonne musette, ça. Hein. Ce que je voulais dire sur la course à pied, c'est que je découvre effectivement parfois le pouvoir de la musique sur l'effort physique. Ah, et il y a des musiques qui vraiment te poussent en fait, et le moment du refrain où ça repart et tout, il y a vraiment un truc physique que j'avais jamais eu parce que je courais pas, je cours depuis 2 ans. Et c'est méga agréable. Là, t'as vraiment un impact direct. Parce que moi, je clubbe pas, je danse pas, donc j'ai pas ce rapport-là à la musique. Moi, j'écoute vraiment juste dans ma bagnole ou chez moi. Et ce nouveau rapport un peu à la musique fait que parfois, j'écoute le même morceau pendant que je cours 5-6 fois d'affilée. Ouais. Ça, pour le coup, j'ai ce truc-là. Toi, Adrien, du coup, t'as des chansons comme ça qui te. On en a dit pas beaucoup encore. Oui, c'est vrai que vous en avez même dit zéro. Si, Antoine a parlé. Moi, ça m'est revenu, hein, je pourrais. Ouais. Je pourrais dire vas-y, Antoine. Non, mais... Antoine for you. Non, mais les idées qui me viennent, c'est des morceaux un peu à l'ancienne, qui ont traversé le temps. Mozart, il adore Mozart, excusez-le. Hein. Non, je pense plus à genre Foreigner, I Wanna Know What Love Is, tu vois, je vais pas dire classique parce que c'est pas non plus la tête de gondole du truc, mais c'est classique pas... des baiseurs. Ouais. Allez, tu m'as percé. Etienne for cul. Ah, j'y avais jamais pensé. Et ou Spandau Ballet, tu vois. Ok, ça je connais pas, j'avoue. Ah oui, bien sûr. Truc que t'as vu dans un milliard de films. Mais oui, bien sûr. Et deux morceaux de gros baiser. Ah ouais, ça c'est méga baiser. Ça c'est dans toutes les. Je touche avec la cuisse là. Ça c'est toutes les sex-comédies américaines des années 2000. Elle y est quoi. Mais c'est un courant de musique hyper important qu'ils ont appelé les nouveaux romantiques, qui est justement qui a méga influencé le cinéma. Et donc c'est pas étonnant que ce soit un truc de énorme baiser. C'est la musique qui se lance quand t'as une cheminée avec télécommande là. You know. C'est ça, elle est trop bien. Bah ouais, ouais. Mais je connaissais pas le nom moi. Winter Shade of Grace. Non, c'est quoi pendant Le titre c'est Watershed. Non, c'est pas ça. De quoi, de la chanson? Ouais. Non, c'est Trou. Non, oui, Trou, je confonds avec avec oh, ça le livre. Ça devient un podcast de dire. Là, ouais, j'avoue. Ouais. Là, avec Flon, on se regarde en mode qu'est-ce qui se passe? Daft Punk. À ma droite, il a cité Daft Punk. Toi Adrien? Je sais pas, des morceaux en particulier, je sais. Si, il y a la chanson Les gens qui doutent de Dan Sylvestre que moi je trouve magnifique, qui est pas très connue mais je trouve hyper belle. Hills aussi, il y a beaucoup de le groupe Hills, beaucoup de morceaux que je trouve Les anguilles. Les anguilles, absolument. Okay. Et oui, ça veut dire ça. Ah, les anguilles tabernacle, ça veut dire. Ouais. Là, c'est qu'on plein de chansons hyper bien. 113. Non, mais en vrai, j'allais dire. Oui, le 113, quand il est plutôt calme, posé. Non, dans les canapés. Attendez, fout la merde. Ah non, quand il fout la merde. Non, carrément. Non, il faut qu'il foute la merde. Ah ouais, ok, putain, l'inverse total, quoi. Non, mais ah, après, ouais. Oui, moi, c'est. Bah, après, c'est beaucoup de trucs à l'ancienne aussi, mais oui, des trucs genre 113, Rof et tout. Un truc que j'écoutais quand j'étais minot, quoi. Mais c'est vrai que ça, j'écoute toujours. Moi, ça c'est bien un truc que j'écoutais minot. Pour moi, les années 80, c'est quand une parenthèse. Ken, non, mais. Très jeune, figure-toi. Allez, là, t'as fait ton. Allez, c'est bon, je voulais le placer maintenant. Faites ce que vous voulez. T'as fait ton Calimucho, non, quand ça s'appelait ton le Calimucho, c'est non. Ricard Coca. Ouais, je sais. Je croyais que c'était. Ah non, vin rouge Coca. Ouais, vin rouge. Jeu de mots Ramucho, c'est ça que vous dites? Non, ça n'a non, rien à voir. C'est quoi ton truc là où tu portes les gens là? Ça va trop vite. Le Paquito. Le Paquito. Un Paquito et après, allez. Il va dans le Palzar. Allez. Selon une étude de l'université de Tokyo, des universitaires nous ont révélé que les rats avaient un point commun avec les humains. À votre avis, lequel? On peut téma leur yeux. Taille. Non. C'est vrai qu'on dit souvent, on peut téma la taille d'un humain aussi. Également. Quoi. Mais la vérité, c'est qu'on peut téma la taille de plein de choses. En vrai. Pas tout, non. Ah si, si, oh, pas mal. L'univers, on peut pas. C'est vrai qu'on peut ouais, pas. C'est vrai, on peut pas téma sa taille. Non. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai, il a raison. Ah ben c'est Pesquet. Enfin si Pesquet peut peut-être. Oui. C'était il a mieux un placé aperçu. Quoi. Oui il a oui, fait, oui. Non mais je peux pas téma sa taille. Non, mais je peux en avoir une meilleure idée que vous. Quoi. Ouais il peut deviner la taille. À la louche. Voilà. Je peux téma estime à la louche. Estime la taille de d'un rat ou de l'univers. Oh là là. Oui mais si c'est ok. Non si c'est bien. Ouais, estime bien. La taille du rat peut-être. Ouais, estime la taille du rat. Donc là ils ont quoi de, en commun avec nous les des addictions, rats? Un truc d'addiction. Pas un truc d'addiction. Des dents, des yeux. Non alors ça oui mais enfin ouais. C'est chaud là. Ils sont sensibles tout à la musique. Tout n'est pas aussi simple que la première question. Ils se perdent. Ils sont sensibles à la musique. Très bonne réponse d'Adrien. Alors plus précisément peut-être à Cascada. Non, pas une chanson bah, ça les rend tristes, la musique triste, par non, exemple, ça, sur leur morale. Non, ça les la musique peut leur donner envie de baiser comme Étienne. Non, quand ils font du sport, si c'est la bonne musique, après ils accélèrent. Si c'est pour ceux de la mafia qu'un prix, ils courent beaucoup plus vite. Je crois que les rats préfèrent la version de Montant à celle de Non, ils ont le sens du rythme, tout simplement. Est-ce qu'ils écoutent du rap? Est-ce qu'ils écoutent Bohemian Rhapsody? Chaki Rap. Ils écoutent la fouine surtout. Des rats qui n'avaient jamais été exposés à de la musique. Bah quoi? Ah, y avait Dead attends, Mouse, mais on va s'arrêter. Vous aimez pas rire? Autour de cette table, vous n'aimez pas rire? Parce que si vous aimez pas rire, cassez-vous, hein. Des rats qui n'avaient jamais été exposés ouais, à la musique. Ils écoutent peut-être Love Is All de Rongeur Glover. Oh là. Mais là, il n'y avait pas Raph à Bercy. Oh non. Première partie de Raph. Ah, il explique en plus. Il a expliqué sa blague. Il a expliqué Raph. Je voulais en faire un tiroir intéressant où il y avait un premier public de rats et lui. Enfin bref. Ah, non, mais c'était. Bon. Sœur sourire. Ah si putain wow. Sourire. Oh la vache. Ouais j'ai. Allez. Des rats qui n'avaient jamais été exposés à de la musique ont ainsi fait preuve d'une synchronisation innée sur des morceaux joués entre 120 et 140 BPM. Gerbi Lialich. Alors j'ai une question, mais c'est pas juste parce qu'on fait des tests sur les rats. Ça se trouve il y a plein d'autres animaux. Ouais, à Mysterio. Non, pas du tout. Hamster, je voulais dire. Hamster, you. Soit est-ce, même... que, est-ce que c'est quand non. ils ont. Minister, hamster. Minister, hamster. C'est le titre, malheureusement. Oh non. Minister, hamster. Putain. Oh, c'est bien. Ça me fait beaucoup. Bien. Donc, oui, la même fréquence de rythme à laquelle les humains réagissent généralement. Hirokazu Takashi dit vouloir explorer à l'avenir les effets des mélodies et des harmonies sur le cerveau au-delà des rythmes. Si la musique agit sur les émotions, ce serait vraiment très intéressant d'être capable de l'observer sur des animaux. Souvent ce truc de oh, les animaux n'ont pas d'émotions. Moi je suis en train de chercher des jeux de mots. Moi j'ai abandonné les jeux de mots. Mais j'étais en train de me dire, tu sais, genre, ils filment l'expérience et tu te rends compte qu'ils les ont mis sur un méga caisson de basse. En fait, ils sautillent et ils font, vous avez vu, ils se synchronisent. Et personne ne l'a marqué avant. Putain, mais il est ouf cette chute. Regardez, ça marche même avec des objets. Alors ils ont essayé sur diverses chansons. Les réactions des rats ont été testées sur plusieurs morceaux, dont la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, jouée sur quatre tempos différents. Oh, il se la pète aussi. Mais attention, c'est des diggers, hein. Non, les chansons pop, mais aussi sur des chansons pop comme Born This Way de Lady Gaga, Another One Bites the Dust de Queen ou Beat It de Michael Jackson. Voilà. Eh ben. Eh oui. Dans une autre étude, c'est à des bourdons qu'on a attribué un point commun avec l'homme. Lequel? J'ouvre une porte sur des jeux de mots. Avec le titre n'est pas définitif. Avec les bourdons. J'ai rien là, j'ai Didier Bourdon, mais faut... ouais, là on creuse là. C'est ouais, genre... Des humoristes ont refait leur sketch pour une émission en prime, peut-être. Non, non, non, qu'est-ce qu'ils aiment faire les bourdons, comme les humains? Baiser le miel. Alors peut-être, non, peut-être le miel. Un truc avec la nourriture, le non. Jazz. Non, un truc avec la... pas avec la musique, pas avec de la nourriture. Ah, oh. Ils aiment bien dormir, butiner. Non, ouais, j'avais. Être avec des potes. Être avec des potes. Non. Dire du mal des autres bourdons dans leur dos, dans avoir des groupes WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp. Chiller devant Netflix, tranquille, tranquille. Et passer du temps à chercher le film parce que, oh, dis donc, on sait jamais, on passe plus de temps à chercher le film qu'à regarder le film. C'est une vanne d'Antoine, ça. Non, non. Alors, l'enfoiré. Non, un truc. Ça, c'est quand je fais du crowd work. Non, non, un truc, effectivement, plein d'humains. Alors, pas tous les humains le font, mais à un moment de leur vie, si, ils le font. Se mettre à 22 et essayer de mettre des ballons dans les buts. Alors, t'es pas loin. Ils font du sport. Du sport, ah, ouais. Ils jouent. Ils jouent à la balle. Ah, tout putain, j'ai pas loin, mais j'étais dessus en fait. Oui, ouais. Non, mais pas au foot principalement, mais des chercheurs mais de l'université Queen Mary du basket, donc je l'ai pas validé. Mais... ont mené une expérimentation sur des bourdons afin d'évaluer leur capacité à s'amuser dans le cadre d'un jeu. Et les résultats publiés au mois d'octobre dernier sont sans appel. L'ensemble des insectes observés ont à un moment donné choisi de jouer avec des balles de bois. On a constaté que divers animaux interagissent avec des objets inanimés et les manipulent juste pour le plaisir, c'est-à-dire pour jouer. Les exemples les plus évidents de jeux avec des objets proviennent des mammifères et des animaux, mais c'est aussi maintenant sur les bourdons. Ils ont été placés dans une arène leur offrant deux possibilités, un couloir avec une zone pour s'alimenter et un autre avec une zone où étaient positionnées des petites balles de bois. Et ben ils ont préféré la zone avec les petites balles de bois. Elle est bancale de ouf l'expérience. Mais surtout la conclusion c'est on avance énormément grâce à ça, car les bourdons aiment jouer avec une balle en bois. Mais on fait quoi de ça? Oui, c'est-à-dire non, que mais on avance là, nous on doit on dit là. Hein. Oui, après les conclusions vous les faites vous hein, nous c'est voilà. Clairement surtout financé par un mec qui vend des balles en bois quoi. Et ouais, tout le monde adore les balles en bois, même les bourdons, allez. Alors cette semaine, il y a le 24 novembre, et le 24 novembre 1883, il y a 139 ans, était un objet bien utile au quotidien. Je vous demande lequel. T'as inventé un objet? Ah, un objet a été inventé, oui. Le 24 novembre 1883. T'as oublié le mot inventé, je crois, dans la... J'ai dit quoi? A été un objet? Ah, un objet, t'as dit, je crois. Je suis un foilier. Ouais, a été inventé un objet bien utile au quotidien. Ou alors, à votre avis, lequel? Non, tu l'as pas... Mais un 24 novembre, quelle année? De 1883. Non, mais là, vous foutez de ma gueule. Non, non, ça, non, tu l'as dit, mais... Là, il était en train de chercher Bakri. Alors, 24 novembre 1883, il y a 139 ans. Ok. A été inventé un objet bien utile au quotidien. La balayette à chiottes. Non. Le PQ. Non. L'appareil photo. Avec les chiottes. Non. Savoir si je continue de chercher ou si je. Il peut y en avoir dans tes chiottes, mais non. Bon, c'est un rapport avec les sécrétions globalement ou pas? Non, non, non, non, non. T'es sûr? Il y en a un ici? Il y en a ici, ouais. L'ampoule électrique. Non. Le coca. Non. C'est usual suspect. Ouais, c'est ça, derrière moi, une fenêtre. Non, non, non. Le prénom Florent. Ah ouais, moi ça y est, je regarde tous les objets comme un clé. Non, non, non, en plus, vous le trouvez. Dans la cuisine? Il y en a pas dans le salon. Ouais. La plante. Dans la cuisine. Non. L'économe. La plante. Non, mais en décoration, oui. Sans contexte. Et j'ai inventé la nature. Okay. Le mec le plus persuasif du monde. J'ai inventé ça. Une plante. Les bourdons adorent. On devrait le brevet là. Et attendez, vous avez pas vu les rats, parce que quand je mets de la musique, ils tournent autour. Non, non, c'est un objet. Un économe? Non. Le torchon? C'est un moyen de locomotion ou pas? Tu lances quoi? C'est pas un moyen de locomotion? Okay. Non, a... mais parce que moi je suis un peu Fabien Olicard, tu vois. Je dis des trucs puis je vois. Oui, oh, il a un petit peu fait un truc là. C'est hop, hop, hop, c'est hop. Ça. Oui, mais comme ça. Comme ça, non, je vois ça. Non, il y en a dans les yeux, donne-moi la main. Il y en a dans les maisons, mais pas que. Il y en a aussi parfois. Dans les restos. Oui, il y en a dans les restos. Des rats. Non. Oui, il a monté le rat. Non, non. Des tables. Non. Non. Putain, ouais. Pendant 2000 ans, on a galéré, mais grâce à ce gars. Il y a un mec, il a mis deux tréteaux, une planche, il a fait. Et ben voilà, ouais, c'est pour faire le four. 2000 ans. Le four. Non. C'est pour faire à manger. C'est pas pour faire à manger, non, pas du tout. Non, non, non, je réfléchis. L'évier. Non, pas l'évier. Je vais peut-être me poser une question gênante, mais il y a l'électricité à ce moment-là ou pas? En 1883, je sais pas du tout. En tout cas, on est aussi incul que toi. Tous aussi cons. Non mais l'objet en question n'a pas besoin d'électricité. Non, je crois pas. Okay. En tout cas. Okay. Ah. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est pas domestiquée. Ouais. Tu veux dire qu'il y a des éclairs. Et c'est un. Non, ça c'est un mec qui l'a inventé. C'est le même gars que la nature. Est-ce que c'est un. Il y en a dans la rue aussi. Est-ce que c'est un mécanisme qui donne lieu à d'autres inventions ou c'est fini une fois que t'as c'est ça fini, c'est fini. Il n'a pas chaîne. Inventé l'engrenage, le roulement habillé ou l'écrou. Non, non, non, non, c'est un objet, un vrai objet. Vous en avez tous chez vous, tous les auditeurs en ont. Un micro. On en a tous chez vous. Moi, quand j'étais étudiant, j'en avais pas, mais parce que j'étais un gros dégueulasse. Oh, du savon. Ouais. Non, ça j'avais. Même si je me suis lavé les cheveux au savon. La brosse à dents. Jusqu'à mes 15 ans. Coton-tige. Non, non, non, non. Pas moi, tout je ça. Jetais pas les. Ah, attends, parce qu'il a dit qu'il y en avait dans la cuisine. L'éponge, les bouteilles vides de shampoing. Oui, moi, beaucoup, je mettais de l'eau et je secouais. Mais ça, c'était bien sûr. Mais c'est dans le spectacle de Baptiste, ça. Donc. Ah ouais. Non, je plaisante. Ah oui, non. C'est un truc de stand-up. Attends, on n'a pas tous mis de l'eau. Non, pas de sous. Par applaudissement. T'as oublié. Ben pardon. C'est un boulot. Non, un objet vraiment basique, hein. Simple. D'ailleurs, si vous me demandez si vous avez les bases, je préfère vous dire que non. Alors attends, il y en a dans la rue, il y en a dans la cuisine, il y en a partout. C'est dur, il y en a partout en fait. Le poster. Non. Le poster. Non, mais pas, on a pas mal. L'affiche, c'est la même première lettre. L'affiche, il a tenté. Si je dis non à poster, franchement, j'aurais dit au moins pas loin. Ouais, bravo Antoine. Surtout que c'est littéralement la traduction. Tu as dit poster, ça commence par la même lettre. J'ai dit par même les deux premières lettres. Un peignoir. Le posca. Non. Mais t'as dit, j'en avais pas parce que j'étais un dégueulasse. Ouais. Donc c'est un peignoir. Peigne. Un peigne. Non. Le pot. Non, t'as dit PO. PO. La police. Non. J'en avais pas chez moi parce que j'étais un dégueulasse. J'ai du mot qui commence par PO. Du papier. Je vais vous dire la bonne réponse. Le paquito. Non. On en a parlé dans le floodcast. Aujourd'hui là. Non, dans celui. Alors pas celui d'avant parce que c'était en live, mais celui encore d'avant. Moi je j'ai aucune mémoire. Tu sais, moi je suis dans un état second. T'en as, là les gens se disent putain, il est en forme. Mais attends, avant et après, je suis est-ce qu'il y en a un déchet cette... chez moi, un légume. Est-ce qu'on en a un dans cette pièce? Franchement, on continue. Parce que moi, ça, pas dans cette pièce, mais dans la pièce à côté, ouais, il y en a. Tu vois le film. Non, mais allez pas voir. Non, mais attends. Le film Awakenings, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, De Niro là, c'est vraiment moi pendant le podcast. Je suis comme ça chez moi, à rien faire. Je fais ah, c'est l'heure du podcast. Eh, viens chez moi. Le portefeuille. Non, oh, bien joué, c'est PO. Mais non, c'est pas ça. Non, mais il a dit j'étais un gros porc, donc non, j'ai un peu dégueulasse, mais oui, tu peux pas. Ça a rapport à l'hygiène. Bah oui, un peu. Potiron. J'en avais pas, du coup, j'utilisais un sac de course qui faisait l'affaire, quoi. Tu peux donner trois autres lettres. Poche. Non. Un sac de course qui faisait l'affaire. Ça faisait l'affaire, ça remplaçait, quoi. Ah, du. En plus, j'étais pas. Quoi? Ouais, un élastique, un sac Leclerc et puis. Attends, un sac de course. Ouais, ah, je vais donner la bonne réponse. Mais non, mais il y a les auditeurs. Donne en vrai la troisième lettre. Un U. La troisième lettre. Poubelle. Ah bah oui, ah, mais c'est René Eugène Poubelle. Mais je l'avais, putain, je l'ai pas dit tout à l'heure en me disant ils se sont foutus de ma gueule. Eugène René Poubelle. Ah bah j'avais le deuxième alors. Bah, ah oui, bah, oui, on en a parlé dans Poubelle. Oui, effectivement. Eugène René Poubelle, alors je sais pas si vous savez, était le préfet du département de la Seine et il impose aux Parisiens l'usage de réceptacles fermés. Ah bah à l'époque il y avait pas Hidalgo, hein. Attends, Hidalgo pour moi. Ah oui, t'avais pas de poubelle mais t'avais une poche qui faisait la ferme. Réceptacle fermé pour l'évacuation des ordures ménagères. Il s'agit d'en finir avec la crasse qui fait la mauvaise réputation de la capitale depuis le Moyen Âge. Tout marche. Et les tout premières... ce qu'il a dit. Et les premières... il y en avoir dans les toilettes, ça marche. Il pouvait y en avoir dans la rue. Fort, oh, je me fous pas de votre gueule. Hein. Fort, putain. Et les premières dispositions royales. Le préfet met en place un ramassage quotidien par des voitures tirées par des chevaux. Il prévoit même, et ça c'est du assez coup, fou. Il y avait de la merde de ouf à la place. Dans il la, prévoit dans même un tri sélectif avec trois types de réceptacles. Déchets organiques, verre, faïence ou coquille d'huître. Bon là c'est... Wow, c'est cool, hein. Ah, ça se fait toujours sur le bassin ça. Mais cette c'est vrai, non. C'est mais vrai, cette c'est vrai. Mais cette mesure mal appliquée. Et ça, quoi. Mais cette mesure mal appliquée disparaîtra du deuxième arrêté relatif à la collecte des ordures le 7 mars 1884. putain, il avait. Il était écolo avant l'heure. Alors, il faut savoir que ses poubelles, et c'est là parce que je parle d'Hidalgo, mais en fait. Oui, parce qu'avant, il jetait ça par la fenêtre comme des gros porcs. C'est ça, comme mon voisin du dessus avec ses mégots. Cette merde humaine. mal accueilli, les arrêtés du préfet suscitent l'hostilité de la grande presse et un journaliste de Figaro qualifie par dérision les réceptacles de boîte poubelle. Il n'avait pas donné son nom à l'invention à la base de Gêne Poubelle. Et c'est comme ça que le nom est resté pour l'éternité. Donc ta BD est encore plus drôle parce que vraiment il n'a pas voulu que ces trucs-là s'appellent des poubelles. C'est des gens qu'il détestait, qu'on dit ah ouais, bah c'est des poubelles ton truc, comme toi. Il n'empêche que ces réceptacles se réalisent très vite dans la capitale française, puis dans toutes les grandes villes. De façon bénéfique, ils réduisent considérablement la saleté habituelle aux voies publiques depuis le Moyen-Âge et facilitent du coup le travail des éboueurs. Voilà, il y a 139 ans. Et comme quoi, non mais, non, vas-y, pardon. Non mais c'était juste une question pour le gros digueur de la nuit qui est Étienne. Il n'y a pas des descendants de poubelles qui possèdent genre la Bellevilloise, le... Eh ben, moi j'en sais rien par contre. Moi non plus. Non mais en vrai, comme quoi, il y a quand même des fois des décisions, il faut aller contre l'avis des gens quoi, parce que c'était plutôt une bonne décision de dire peut-être on arrête de jeter nos trucs par la fenêtre et t'es en faveur du 49.3, c'est ça? Non mais c'est pareil avec Disney. Non mais le fait de c'est l'exemple méga fumant. Non mais que les lieux Disney, voilà, les gens non sont mais c'était dressés, pareil avec les flics. Maintenant c'est quand même bien qu'ils aient le droit quand même. Non mais l'interdiction de fumer dans les bars et les restos et tout, tout le monde était outré pendant un moment quoi. En fait maintenant tu fais oui bah évidemment que c'est normal de, mais c'est pareil enfin sur le truc la voirie, là, les voies de bus, voies de taxi, etc. À Dijon, le maire a fait pareil. Il y avait vraiment genre, mais non, mais n'importe quoi, parce que ça ralentit la circulation. Puis disons que c'est une ville où il y a un peu plus besoin de la bagnole. Mais en fait, maintenant, ça circule 100 fois mieux. Enfin, c'est indéniable que quand tu vas à un endroit vite, tu prends le bus, t'es récompensé de prendre les transports publics. Donc, Antoine et moi, venons de Dijon, il y a une époque, il y a vraiment un tremblement de terre quand il y a eu l'arrivée du tramway. Là, les Dijonnais n'étaient pas contents, l'arrivée du tramway. Et aujourd'hui, tout le monde prend le tramway. À Dijon, c'est assez ouf quoi. Je crois que c'est pareil dans toutes les villes quand ils font les travaux. En fait, ça bouge de malade, donc tout le monde dit que c'est de la merde. Et une fois que c'est fait, c'est genre oui, c'était bien. Comme quand ils changent l'interface de Facebook. Où les gens disent c'est nul, c'est n'importe quoi, on comprend rien le lendemain. Elon Musk avec Twitter, il a grave raison. Ouais. Non, pardon, c'est pas ça. la merde. Là, c'est quand même très drôle ce qu'il a fait, Elon Musk. Parce qu'il a dit, déjà, il a viré la moitié des employés de Twitter. Et il a dit oh, mais il y a plein de microservices là qui servent à rien, j'ai tout désactivé quoi. Il a dit en vrai, il y a que 20% des microservices qui sont utiles pour le bon fonctionnement de Twitter, donc il a viré 80%. Et il y a quelqu'un qui a fait un tweet en disant si jamais vous utilisez l'identification à deux facteurs, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, bien sûr. Ça t'envoie un texto avec un code et tout machin. Il a dit ne vous déconnectez pas de Twitter si vous l'utilisez parce que vous ne pourrez plus vous reconnecter vu qu'il a désactivé ça. Yes. Donc en gros, il a vraiment juste cassé. Mais en plus, Twitter. Là pour la fuite des données, en plus, c'est méga dangereux ça. C'est-à-dire que s'il n'y a plus la double vérification, enfin c'est à la base. Non, c'est pas qu'il a désactivé, c'est juste que en fait tu peux plus t'y connecter quoi, tu n'envoies plus SMS. Alors, ils disent on va vous envoyer un SMS et tu le reçois pas parce qu'en fait ce service-là il l'a désactivé. Franchement, c'est idiocratie pour moi. Ouais, bah. Tu penses, on est dans South Park en fait ? On est dans South Park ? Ah, mais j'ai l'impression qu'on est dans une autre série encore un peu plus d'anticipation. Je sais pas, j'ai l'impression. Alors cette semaine toujours, c'est l'anniversaire d'Alain Chabat, dites-vous. Oh là là. C'est aussi cette semaine où il y a son late show d'ailleurs qui arrive. Alors petite question sur Alain Chabat. Vous vous souvenez, dans la Cité de la Peur, il y a la réplique des 1000. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper nana. Mais cette citation à la base est vraie. Et de qui vient cette citation? C'est pas une citation inventée pour le film. Ah. C'est sympa cette petite question que je vous ai trouvée. Alors est-ce que c'est Sacha Guitry? Question de professionnel. Non. C'est un autre. En plus, t'as dit la phrase des 1000. Ouais. Et tu peux l'écrire de deux manières différentes. Ah oui. Et je me suis dit, oh waouh. Meilleur pour ça auteur que... d'Île-de-France. Je suis pas avec un random. C'est un auteur sérieux ou c'était déjà de la comédie? Alors, c'est pas de la comédie. Et c'est pas vraiment un auteur. C'est un acteur. Non. Un politicien. C'est Yves Montand. Non, c'est une vieille phrase. Ah oui. Ah, c'est un homme politique. Un homme politique. Bah, je viens pas de le dire à l'instant. Personne t'a vraiment entendu. Ah, excuse-moi. Non, j'ai c'est pas entendu. C'est comme ouais. Les Power Rangers. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Un homme politique. C'est le général de Gaulle. Non. Jacques Chaban-Delmas. Non. Gaston Defer. René Coty. Premier qui craque. Pompidou. Non. Charlemagne. Michel Rocard. Non. Personne. Jules Ferry. Non. Jacques Séguéla. Charles Pasqua. c'est malheureusement Balkany. Non, alors c'est pas français. Ah. Churchill. Non. Roosevelt. Non. Je, alors, mais on se rapproche. On est dans le bon pays. Washington. Non. Alors, attends, je sais plus. Roosevelt, c'est l'américain. Ouais. Roosevelt, c'est l'américain. Ouais. Et c'est un truc qu'on peut. Il y a un. Comment dire, il y a un élément qui fait qu'on peut trouver dans la réponse. Non, je vais vous donner la vraie phrase qui est on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le temps une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le temps. Mais on peut pas tromper tout le peuple, c'est vraiment la blague très nulle. Mais on peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Eh ben, c'est Bush, père. Non, c'est plus vieux. Reagan. Alors, plus vieux. C'est un président américain. Ouais, je peux vous dire mieux. Ok. C'est Benjamin Franklin. Non. C'est Carter. Il a jamais été président Benjamin. Ah bon, c'est, comment il s'appelle celui qui a je été acteur? Je croyais que c'est que non, des présidents sur Ronald Reagan, mais ce n'est pas lui. C'est justement ni Bruce Willis. Je pensais à l'autre. Il n'est pas président non plus. Attends, je dis peut-être de la merde. Je crois que t'as raison. Attends, c'est comment il s'appelle Ils en restent pas beaucoup. JFK. Ah non, pas JFK. En fait, je le sais parce que dans The Office, il y a un mec qui est à un moment qui est déguisé en Benjamin Franklin. Ok. Nixon. Super, il y a deux fois. Non, Michael Scott lui dit ah oui, quand vous étiez président, et le mec il fait non, je n'ai jamais été président. C'est un père fondateur, mais c'est pas un président. Il dit oui, je sais, mais Ben Franklin. Ouais. Alors attends, on cherche un président. Bah, c'est Obama. Non, plus vieux. Non, plus vieux. Sale pire. Mais c'était il y a longtemps. Nixon, on l'a dit. Ça y est, on va commencer à les redire là. Nixon, Reagan, Carter. Non, ça va vous manquer. Je vais le dire. Vous allez faire. Mais merde. Dis les initiales et puis qu'on en finisse. Bah non, mais là, je dis les initiales, c'est facile. Hein. Ouais, le 16e président des États-Unis. Mais c'est la première fois que tu me dis que tu veux arrêter le jeu. Non, mais c'est bon là. Tu vois bien qu'on connaît pas elle. Ah, c'est Alain. Non. Gilles Lopétré. Abraham Lincoln. Eh oui, bien sûr. Une phrase d'Abraham Lincoln. Bah voilà, bah bien sûr, le 16e, putain. Le républicain. Alors, un deuxième petit jeu à vous proposer. Oh, alors, ça va être avec de la musique. Ça va être avec de la musique. Alors, sache que j'apprécie toutes ces incursions DJ-esques que tu as. Bah, dans c'est le... pour toi, hein, parce que. Faites du bruit. Alors, il y a de moins en moins d'énergie. Je vais faire. Ça m'énerve, ça. Voilà. J'allais dire, t'es un DJ avec l'énergie de Bacri. DJ et pas du bruit là. Bon, allez, là. Alors, vous êtes chaud, vous êtes fatigué. J'ai pas trouvé de titre au jeu, mais en gros, j'ai mélangé des paroles de chansons dance et électro connues sur des chansons tristes. Ah, j'adore. Donc, on va commencer facile et puis après. Attends, il faut qu'on trouve quoi du coup? Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas. Faut qu'on trouve les deux titres. Les deux. Et est-ce que parfois c'est en anglais et t'as traduit ou... Ah, c'est quasiment. C'est que ça. Okay. J'ai toujours traduit des paroles. Je suis content de faire ce jeu avec Adrien Méniel et Étienne Foriou. Vraiment, s'il y a bien un truc. On compte pas les points. Ils sont vraiment balèzes, c'est ce putain de jeu. Je vais me faire latter. Et après, on a un autre jeu qui s'appelle La vie d'Étienne. Et je vous donne des anecdotes de la vie. Il faut imiter Adrien. Il faut juste trouver la réponse. Le prof de français d'Étienne. C'est une question. C'est des paroles de chansons tristes. Non, c'est des paroles de dance sur des instrus de chansons tristes. Et on busque quand on a les deux ou ça balance comme ça. Ça peut balancer. Ça balance. Façon, moi, je suis mort. Je me suis fait chier à composer des chansons, donc je les laisserai évidemment jusqu'à la fin. Ok. Allez, c'est parti. Alors, J'attends l'amour. Non, c'est You're Beautiful. Non, c'est J'attends l'amour. Ah, pardon, autant pour moi. Trop malade. Non, mais ça. Je ne sais pas pourquoi tu es injuste. Je te donne mon amour mais t'en as rien à faire. Donc quel est le bien et quel est le mal? J'adore. Fais-moi juste un signe. Bon, je ne sais pas. Ce qui est marrant c'est que là dans la... ce que si je joue seul, j'ai encore trouvé aucun des deux. C'est à toi de me dire. Je sais qu'on fait qu'un, juste toi et moi. C'est je ne peux plus qu'est-ce avancer que l'amour. Bah t'as trouvé un... Qu'est-ce que l'amour? T'as trouvé un hack pour faire de la chanson française. Qu'est-ce que là? Alors c'est un peu ce que j'ai découvert. Les paroles d'électro sont un peu tristes en fait. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que là? Il y a un spleen qui se cache au cœur de chaque. Allez, je vous mets celle d'après. Regarde devant tes yeux. Coup de soleil. Il y a la foule qui saute. Ah non. Non, c'est une drôle de vie. Chanson sur un drôle de vie. Car c'est ici que ça se passe. Je vous le remets depuis le début parce que j'adore cette chanson. Regarde devant tes yeux. Il y a la foule qui saute. Fais la fête sur la piste, car c'est ici que ça se passe. Regarde devant tes yeux, il y a la foule qui saute. Fais la fête sur la piste. Et pose ton cul sur le sol, fais-moi ma journée. Pose ton cul sur le sol, il n'y a pas d'endroit où je souhaite rester. Fais-moi ma journée. Faut pomper la confiture, faut la pomper très très très haut. Pendant que tes papier, ta peau au sol et que la confiture continue de pomper. Alors pompe la confiture, faut vraiment la pomper. Allez, pompe-la à fond. Je suis Gérald Inakash, ma meilleure amie, c'est Leïla Bekti. Je savais pas comment la finir. Je savais pas comment la finir. Technotronique Sanson, un petit peu. Je pisse dans mon froc. C'est le repas de Noël pour moi. Alors celle d'après, je me suis un peu chier. Donc on peut pas parler par-dessus, mais à un moment je la mettrai peut-être en entier parce que j'ai mis 2 heures. C'est, alors attention, c'est pas pour dire que ça va être bien. C'est juste que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je vous la mets. Je sais pas. Je t'aime. Oh là, putain, très fort. Oh bravo. Je t'aime là. La version bien, ouais. Bravo, bravo. La version karaoké, hein, évidemment. Fort, mec. Il y a une question qui se pose, mais oui, je chante très juste. J'entends encore ta voix quand tu dors à côté de moi. Ah, putain, tu t'es, on la laisse, t'es donné, c'est mortel, hein. Ressens ton contact dans mes rêves. Pardonne-moi ma faiblesse, mais je ne sais pas pourquoi. C'est si dur de survivre quand t'es pas là. C'est vraiment des paroles tristes, hein. Ne peux-tu pas sentir mon cœur qui bat si rapidement? Mais on dirait que des chansons tristes. Je veux que ça dure sans fin. Ah, ouais, ouais, j'ai besoin de toi à mes côtés. N'entends-tu pas mon cœur qui bat si fort? Je peux pas te laisser partir, je te veux dans ma vie. Parce que à chaque fois qu'on se touche, parce que à chaque fois qu'on s'embrasse, j'ai ce sentiment, je le promets. J'ai la sensation que je pourrais voler. Parce que pourquoi à chaque fois qu'on se touche, parce que à chaque fois qu'on s'embrasse, j'ai ce sentiment et j'atteins le ciel. Tes bras sont mon château et ton cœur mon ciel. C'est trop bien traduit. C'est trop bien traduit. L'histoire est terminée. Oh la David Bowie à la fin. Pourquoi tu danses dans une bibliothèque dans ton vidéoclip? Quel est le rapport entre de la dance et une bibliothèque? Pourquoi une bibliothèque, Cascada? Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on se touche, parce que à chaque fois qu'on s'embrasse, j'ai ce sentiment, je le promets, j'ai la sensation que je pourrais voler. Parce que à chaque fois qu'on se touche, ça m'énerve. Parce que à chaque fois qu'on s'embrasse, j'ai ce sentiment, et j'atteins le ciel. Tes bras sont voilà. Bon, c'est un peu long, pardon, mais non, c'est pas assez long. Bravo. Voilà. C'est presque aussi bien que le curé de Camaret. Voilà, alors il y en a une dernière. Merci. Alors il y en a une dernière. C'est trop bien. Bon, celle-là, c'est faudra la bien, chanter ensemble. Mais moi, j'ai pas fait mon anniversaire depuis, je sais pas, 15 ans. Ouais. Et c'est ça que je veux. Juste des gens qui me font des jeux. Pendant toute une soirée. C'est malheureusement le dernier. C'est pas un appel du pied, parce que je sais que personne le fera et que j'ai plus de meuf. Donc c'est terminé. T'es la seule personne qui pouvait organiser ça. C'est un peu qu'on aille au resto. C'est un peu qu'on va faire. Non, ça me fait chier. On va faire un. Je t'offre un bouquin que tu lis pas. Non, mais ouais, on se commande un Uber Eats. Attention, c'est déjà le dernier, je suis désolé. Oh là là. Mais c'est là, voilà, bon. Retour à la maison, enlevez vos chemises. Attendez d'autres instructions, enlevez vos chemises. Venga boy, non. Démarrage du microphone, j'ai un message pour la prochaine décennie. C'est pas assez les hip-hop, machin. Démarrage du microphone, j'ai un message. Le refrain des poèmes. Pour la prochaine décennie, j'ai un message. Ah putain, je sais pas du tout. C'est... Attends. Ah, c'est Coldplay, non? Là, ah, Moody Run, c'est un scooter. Ah. Et c'est Ah, ok. Ah Alors, j'ai utilisé une technique simple pour trouver le Coldplay. Je me suis dit, ça pourrait être dans une cuve Nutella. Il y a les bracelets qui clignotent. Hein? Mobilette. De retour dans la maison. Va bouger ton hiver. Va rendre ton esprit vivant. Alors fais du bruit. Alors fais du bruit. Démarrage du microphone. J'ai un message. Bacri, mais je sais dire que ça m'énerve. Ah, je vais faire bouge ton cul, mais je. Moi, je suis bon. Je vais juste. T'avais bien fait illusion jusque-là. Je peux pas lui faire dire ce que je veux. Je vais juste revenir sur quand j'ai dit tout à l'heure, ah, j'aimerais bien qu'on m'organise des jeux pour mon anniversaire. Si des gens que je ne connais pas. Bah, si tu veux, on te le fait, je m'ouvre les veines. Très sympa de votre part, mais ça me plongera dans des abîmes de tristesse. Comme dit, bah, vu que t'as pas d'amis, on peut bien. Parce que j'anticipe, parce que. Ah, tu fais bien anticiper. C'est à la fois très gentil, et en même temps, ça me donnera une image de moi catastrophique, de ma vie. Je m'ouvre les veines. 60. T'as 60 chansons comme ça. Un peu moins bien en plus, parce que là c'est vraiment quali. Non, non, c'est pas pour dire que leur jeu serait pas bien, c'est plutôt pour me dire oui, bon, les gens ont vu que t'avais pas de potes dévoués à te faire plaisir et ils vont. Voilà, très bien. Oh, tu m'as régalé. Oh la vache. C'est le moment des recommandations, chers amis. Bien sûr. Des recommandations culturelles de quelque chose que vous avez apprécié récemment. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un spectacle. Moi, pour ma part, c'est un spectacle que j'ai vu que t'avais vu. Bah, ça peut être Taroko, t'as autre chose. Non, j'en ai d'autres. On en parlera. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être plein de choses. Bah, Adrien, tiens, vas-y, est-ce que tu. Mais non, mais alors, vas-y, parce que. Bah, moi, je voulais conseiller le spectacle Blocks de Neil Brennan. Génial. Neil Brennan, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le Floodcast il y a quelques années. Il avait fait aussi Free Mics, qui est également disponible sur Netflix. Hop, je le coche. Le concept était très cool. De reco. Le concept de Free Mics, c'était trois micros. Et alors, putain, je sais plus exactement lesquels c'était, mais je sais qu'il y avait un micro one line, un micro stand-up et un micro un peu déprimé. Enfin, je parle de ma vie un peu sans blague, quoi. Donc, en tout cas. Et là, Blocks, alors au début, je fais ok, bon, il y a un concept aussi, mais en fait, on s'en fout un peu du concept, moi je trouve. Oui, et en fait, moi, t'avais capté qu'à la fin, ça allait. Non, ça, j'avais pas capté. Moi, je l'avais. Mais quand t'as vu Sixième Sens, tu dis, bon, ce mec-là, il peut pas être vivant. Ouais, non, ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est le rapport au fait que je suis déconstruit ou ça. Non, là, c'est parce que t'es un zèbre. Ah, mais c'est ça. En fait, je confonds du coup, parce que moi, tu vois, comme je sais pas rien. Et donc, Neil Brennan était le. Je crois qu'il ne. Oui, non, je pense pas qu'il l'ait encore. Mais il était auteur pour Dave Chappelle. Non, c'est sûr, parce qu'il était auteur sur Dave Chappelle, sur le Chappelle Show, pas sur ses stand-up. Bah, en gros, si Dave Chappelle c'est Yvick, en gros c'est moi quoi. J'ai cru premier degré que t'allais dire Freddy Gladieux. Non, toi. Ouais, en tout cas, mais c'est un mec vraiment très très drôle, Neil Brennan. Et en plus, c'est. Et très dépressif aussi. Très dépressif. Et il écrit très très très bien. Et je vous conseille vraiment, je vous conseille même plus Blocks que Free Mics. Moi, parce j'ai préféré. Ouais, j'ai préféré Blocks. Et je trouve ça plus drôle et plus malin. Et même il va sur des sujets d'actu où des fois je fais ok, où est-ce que tu vas. Et en fait il est super intelligent et en fait t'es jamais mal à l'aise. Et en même temps c'est très très très très drôle, enfin, c'est très drôle. Et aussi moi c'est aussi le fait que chaque truc qu'il dit me parlait quoi. Enfin c'était vraiment très genre Mais c'est cela vraiment, dit moi pas trop. Et quand même j'ai trouvé génial quoi. C'est ça. Ça m'a juste eu quand c'est la phrase que j'avais partagée sur Insta où il dit je crois que la comédie c'est le seul truc que je sais faire dans ma vie, mais la vie me dit tout le temps tu ne sais pas faire ça si bien que ça. Et voilà, moi c'est vraiment ça. Et c'est vraiment un chouette spectacle. C'est pas un spectacle d'auteur en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que il interprète. Il a une présence scénique qui est vraiment chouette quand même. Quoi. C'est pas. Il est derrière son micro, il fait ses blagues quoi. Non, vraiment, il joue. Et il en parle aussi de ça d'ailleurs. C'est pour nous qui dit ça là. Non, je dis ça plus parce que on. Non mais tu sais, il fait pas des gags genre j'ai des lunettes. Tu vois, il y a quand même un truc un peu. J'ai DJ. Et donc il a des lunettes, mais il fait pas des blagues dessus. Quoi, enfin, tu vois. Donc c'est sur Netflix. Ça, c'est vraiment le même pas le premier palier. Le niveau zéro, ouais, non, ouais, c'est... Donc c'est sur Netflix. Ouais. Et non, c'est vraiment, vraiment très très bien. Non, non, c'est vraiment super. Et du mais coup, c'est cool de recoller les Français, quoi, en tout cas. Non, bah après, il y a le spectacle de Baptiste Le Caplain aussi que je vous conseille. Oh, ça va. Ta story d'hier déjà. Bah oui, c'est vrai. Non, on l'a vu avec Étienne, il est vraiment hyper bien. Ah, ça me mais bien où on a un peu envie d'arrêter ce qu'on fait en sortant. Bien, genre on n'a pas bu une bière après comme prévu, c'était plus 8 quoi. Mais en tout cas, ouais, Neil Brennan, très bon spectacle. Je vous invite à aller voir ça sur Netflix. Voilà. Adrien, qu'est-ce que tu... Alors, moi du coup, je recommande une série qui s'appelle The Bear. C'est sur Disney. Ah, c'est vachement bien. Je l'ai vu. C'est marrant. Alors, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, il y a les premiers épisodes, vraiment, tu te fais hurler dessus, littéralement. Ouais. Mais vraiment, c'est épuisant de regarder cette série. Il y a certains épisodes, même c'est genre l'avant-dernier, je crois, qui est vraiment. T'es vraiment tendu, mais c'est la preuve que c'est hyper bien réalisé et tout. Et en même temps, t'as envie de bouffer. Voilà. En gros, l'histoire, c'est un chef très. Un excellent chef, mais un jeune chef. Ouais, le cuisinier, quoi. C'est le meilleur du monde. Ouais, voilà, qui a été élu le meilleur nouveau chef et tout ça. Et son frère meurt et son frère lui lègue son espèce de petit sandwicherie. Enfin, c'est vraiment un petit oui, truc. Oui. Ouais, en gros. Un peu fier. Et donc il hérite du lieu, des employés, de la cuisine, de tout. Et lui, il prend à cœur d'en faire un bon endroit où on fait bien à bouffer et tout, etc. Et donc c'est la saison 1 est assez courte, mais donc ça montre comment il essaye de rendre le lieu mieux et tout. Et la bouffe, enfin la cuisine, c'est pas seulement une arène. Mmh. Et après on parle de gens qui sont amoureux, machin. C'est vraiment au cœur des intrigues, oui, etc. Et je trouve ça vachement cool. Elle est hyper bien filmée aussi, la bouffe. Ouais, hyper bien. Ça donne envie de faire à bouffer et de bouffer, même si c'est essentiellement d'énormes blocs de viande. Mais bon, malgré tout, non, rien. Non, c'est vraiment hyper bien. C'est hyper bien joué. C'est hyper bien écrit. Il y a des trucs hyper fins dans l'écriture, hyper simples et en même temps, enfin, c'est vachement bien. C'est très malin. Voilà, donc, la réal est ouf aussi. Ouais. Et il y a des bonnes blagues. En fait, j'ai trouvé ça génial. Les personnages sont trop bien. C'est ça, les persos sont super. Et il y a des blagues un peu presque one line, presque sitcom, mais la réal est tellement vivante, tellement ça passe tout seul, quoi. Non, ouais, je trouve ça vraiment très très bien. Vraiment, vraiment bien. Ah ouais. Voilà. Et j'aime bien, c'est vraiment l'américaine, il se pose pas la question. Je crois que c'est la troisième phrase de la série. C'est. Il y a une meuf qui vient bosser dans son resto et elle dit mais je comprends pas, vous êtes le meilleur vous êtes le meilleur cuisinier du monde et vous cuisinez dans ce boui-boui. Ouais, il y a son frère qui est mort et c'est génial, on place les enjeux. Vraiment, on se fait pas chier avec ça et maintenant on avance. Ça, j'adore quand ils font ça. Mais à côté de ça, par contre, à un moment donné, c'est ouh, qu'est-ce qu'on va faire de cette assiette, on va la donner à un critique culinaire. Bon, là vous êtes pas fait chier les mecs. Non mais bon, moi j'ai trouvé ça vraiment cool comme ça. C'est sur Disney Plus. Ouais. Voilà, Disney+, il y a souvent des séries un peu cool parce qu'ils héritent un peu de tous les trucs Hulu, etc. Pam & Tommy qui était sur Disney+ aussi, donc il y a vraiment des trucs très cool. J'ai cru que t'avais dit Ulule. Ouais, dit, Ulule, ouais. C'est cool. Antoine. Une série étudiante et tout. Merci d'avoir participé au Ulule, c'est sur Disney+. C'est un truc qui c'est pas du tout récent, c'est un... Ah la honte. Oh le regard. Pardon. Si c'est encore pour parler de Daft Punk. C'est que je suis en train de remater les Police Squad. Ah oui. Ah. Mais donc la version sitcom. La série. Donc pour expliquer vite fait, c'est en gros les Y a-t-il un flic pour sauver le président, là, donc les Zucker, Abraham Zucker. Ouais. Le premier Y a-t-il un flic pour sauver le président s'appelle Police Squad et c'est un film qui a été adapté d'une série où il y a que 6 épisodes, je crois. Ouais, c'est une toute petite série. Et d'ailleurs, il y a plein de gags que tu vois dans la série qui ont été repris. C'est plus le film est un peu. C'est une sorte de mix des meilleures vannes de la série. Et la série, elle est dispo sur YouTube, tu la trouves assez facilement. Et c'est mortel. Je trouve ça même plus drôle que le film, moi, en fait. Ouais. Parce que c'est la genèse des gags, il y a un peu moins d'argent. Et ils sont hyper drôles. C'est hyper drôle. Ah, trop bien. C'est du gaguesque à crever, là. C'est vraiment le truc de. Il ouvre une porte, il y a une porte, il y a une porte, il y a une porte. Il parle avec un mec à travers un écran, l'écran s'ouvre et il est derrière. Bah, des gags visuels, il pète la narration. Enfin, c'est. Hyper hyper marrant, quoi. Un et des c'est gags vieux, un de ces vieux, parce que c'est un des gags connus que j'ai l'impression que tout le monde a repris depuis, mais qui c'était eux qui avaient fait en premier. C'est le générique de fin, c'est des freeze frame comme dans toutes les sitcoms. En fait, c'est eux qui bougent pas, filmé, ouais. Donc c'est qu'eux, ils servent de l'eau, le verre continue d'être rempli. Ouais. Il est sur un pied, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est très très drôle. Un des gags visuels qui reprennent tout le temps, c'est le panneau, tu sais, que t'as dans les films où t'as la caméra sur le côté et il passe, il ouvre une porte et il traverse la porte et il y a un des personnages qui passe de l'autre côté du mur, donc tu le vois passer, donc il pète la méta de c'est filmé et etc. C'est rempli de trucs comme ça et c'est vraiment hyper drôle. C'est pas du tout genre, c'est pas vieux nul par rapport au film. C'est vraiment exceptionnel. Grosse influence qu'on avait sur Mac Walter, nous, ce truc-là, on n'arrêtait pas de citer Police Squad. C'est que Tyrell, Vincent Tyrell, c'est un méga fan de Police Squad. Et c'est vrai que les gags sont toujours très efficaces et très drôles. Oui, ça marche encore aujourd'hui, quoi. Leur pub pour la pizza, là, il y a pas mal. Oui, c'est ça, c'est un peu ce genre d'humour. Mais genre, il y a une vanne toutes les 2 millisecondes, à peu près. C'est ça, exactement. Toi, Étienne ? Moi, je vais parler d'un spectacle qu'on est allé voir ensemble avec Antoine récemment. Là. C'est, on va avoir plein de spectacles pour voler les vannes. Oui, absolument. Et celui-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On recrache tout dans nos sketchs ou est-ce qu'on en parle dans le podcast ? C'est une fille qui s'appelle Mao. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, j'avoue ne pas connaître. Elle fait tout un spectacle méga marrant où elle mélange plein de trucs. Elle te parle de... Elle est pleine d'énergie, tu vois. Elle arrive, elle te fait le truc de... Je ne sais pas comment dire, mais elle est surex, tu vois. Ouais. Et elle t'amène un peu dans son truc. Au final, elle finit par te parler de sa famille, de ses machins et tout. Tu vois, c'est vraiment assez bien foutu. Et surtout. Ça s'appelle Mao Drama sur Insta. Ouais, sur Insta, c'est Mao Drama. Elle fait aussi des M-A-O, reels. Des M-A-O. Reels qui sont marrants. Non, c'est M-A-H-A-U-T, je crois. Oui, parce que là, j'ai mis Mao, on propose autre chose. Ouais, hein, non. Sinon, c'est un dictateur chinois, mais il a pas de spectacle en ce moment. Oui, c'est ça, il joue pas, au Paname en tout cas. Sa fiche Wikipédia doit être moins sourcée à cette gauche. Moins gaulerie en tout cas. Et Mao Drama, ouais. Et en fait, elle a aussi un plateau d'ailleurs au Point Éphémère. C'est comme ça qu'on l'a connue, puisque c'était le. Elle faisait son plateau là-bas, et moi j'avais. Je connaissais des gens là-bas. Et en fait, on est allé voir son spectacle et on s'est plié de rire pendant une heure. C'est à l'Apollo, là, toutes les semaines. Je crois que c'est 3 fois par semaine. Ok. Et je sais pas comment le. Je le vends pas très bien, là, Antoine. Viens ma rescousse, là. C'est quoi le. Après, c'est dur de. Ouais, c'est difficile. Toujours dur, on veut pas s'en mêler. C'est marrant, quoi. Mais elle a des chroniques. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'elle. Je sais qu'elle était chez Nova à une époque, je crois. Oui, c'est vrai. Il doit y avoir des chroniques à regarder. Faut vraiment. On redit l'orthographe. C'est M-A-H-A-U-T, plus loin, drama. Et comme ça, je pense que vous pouvez voir sur YouTube un peu ce qu'elle fait déjà. Ça peut être un bon mais premier pas. Mais son spectacle était vraiment, vraiment très drôle. Et elle amorce avec un perso qui est plutôt... alors, ça va pas du tout parler à Adrien, mais qui s'adresse plutôt aux femmes, a priori. Ouais, mais du coup, c'est bon. Moi, je peux l'entendre. Moi, je me situe nulle part et partout en même temps sur le spectre. T'es familier avec ce concept quand même. Ça, ouais, ça te passe au-dessus. Et en fait, elle joue hyper bien. Enfin, okay. Quand elle a ses persos, elle sort, elle rentre et tout. Et au début, tu te dis, ah, ça va être si c'est toujours ça et tout. Et en fait, non, c'est trop bien. Il y a un peu du twist et tout. C'est top. Moi, et elle joue tous les vendredis à l'Apollo Théâtre, ouais, effectivement, jusqu'au 16 décembre, là, en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Ouais, République. Très bon. Mao Drama. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. T'avais d'autres trocos, Adrien ? Non, c'est bon ? Nous, on joue là dans une heure et demie. Alors, justement, j'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus quand même aussi, puisqu'on peut vous retrouver, les garçons. Vous avez une chaîne YouTube, c'est ce que j'ai dit, qui est en fait un documentaire, c'est ça ? On pourrait dire ça, quelque chose un comme vlogumentaire, ça ? Un vlogumentaire. Un non, mais c'est vrai. Est-ce que ça te hérisse les poils, cette contraction, Adrien ? Non. Je le redis, attends. Vlogumentaire. C'est comme un vlog, mais c'est un documentaire. Un vlog. Quoi. Moins que le patriarcat, ça par contre ça le rend fou, mais non, oui, c'est un où on suit votre voyage initiatique qui est assez fou, c'est ce que je disais en tout début de podcast. Vous avez loué une salle pour un peu moins d'un an maintenant. On a loué le Trianon. Le Trianon. Ouais. L'épisode est sorti aujourd'hui. Ah bah voilà, donc c'est dispo sur la chaîne YouTube Étienne et Antoine. Exactement. Et vous n'aviez encore quelques semaines jamais fait de stand-up de votre vie, vous n'étiez jamais monté sur une là, scène. Là j'en ai fait 5. Ok. On parle pas exactement au même Antoine, j'ai l'impression. Et l'idée, c'est de suivre un peu comment on part de zéro pour aller jusqu'à une salle. Jusqu'à 1,5. Et après, le but, c'est de prendre les places pour voir le spectacle final. Donc, c'est assez original. Enfin, sans vous faire de la lèche, je trouve ça assez fou comme pari. Bah, c'est assez fou. C'est assez c'est stressant aussi. et c'est stressant au premier degré parce que le monde de l'humour. Alors bon, il y a Society qui est passé avant nous, évidemment. Mais on pourra en parler d'ailleurs. Mais je sais qu'Adrien l'a pas lu, mais c'est un article très intéressant. Mais c'est que c'est. Enfin, l'article parle un peu du spleen des humoristes, etc. Parce que c'est un milieu qui est difficile. Ouais. Et nous, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt les premières scènes. En fait, c'est hyper violent, quoi. C'est juste hyper violent. T'es stressé, t'as peur, Là, je suis vraiment dans une heure et demie. J'ai déjà envie de pisser. Je suis hyper stressé. Ouais. Je sais qu'il y a des humoristes beaucoup, enfin, assez connus sur le plateau. J'ai trop peur qu'ils se foutent de ma gueule. Enfin, tu sais, j'ai des angoisses de collège, premier degré. J'ai fait des cauchemars. là récemment où je me réveille en mode oh, putain j'ai rêvé que j'étais sur scène et que je faisais et c'était pas drôle et que Jamil Le Schlag me mettait une patate. En fait on s'est tenu vachement éloigné depuis qu'on est adulte de toutes les disciplines où on est nul, enfin tu vois il y a un truc de protection de soi-même et là en vrai t'es obligé d'être nul quasiment, enfin je veux dire la première fois que tu fais une blague dans un micro c'est genre oui enfin ouais. Calme-toi quoi. C'est pas si marrant que ça. Ça valait pas le coup que je me déplace quoi. Et ça c'est un peu dur pour le moment quoi. Et c'est ça ce qui est violent, c'est le côté ulcérisant de. On a une scène et on est stressé. Je suis stressé, tu vois, pendant toute la journée de putain, je vais jouer ce soir, ça me fait trop. Mais c'est ça peur. Qui est chouette avec la chaîne YouTube, c'est qu'en fait on suit ça. Ouais. Le fait d'être deux, c'est vachement bien parce qu'on vous voit aussi vous cheer up et aussi des fois chill down. Mais on vous voit, voilà. C'est bien chiant ce cas. Non, mais voilà, on voit votre avancée. Vous rencontrez les humoristes. Il y a un épisode avec Fanny Ruet, il y a un épisode avec Thomas Dezer. Et vous allez faire ça vraiment jusqu'au dernier, enfin même après, du coup, après la captage. J'imagine que vous allez aussi faire suivre ça, mais enfin pendant, en tout cas, jusqu'à. C'est quand la date du spectacle, c'est le 30 juin jusqu'au 30 juin quoi. Donc c'est le nom de la série d'ailleurs. Rendez-vous le 30 juin pour pas que les gens oublient. On fait un big up parce qu'on l'a pas cité à Nicolas Camille. Ouais, oui, très parce bien que réalisé, vraiment la réelle est ouf hein. Oui, en fait pourquoi c'est bien, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit et qui est un très bon monteur. Oui, bah, sinon il y aurait pas d'image, sinon génie. Il reste chez lui. Non mais il filme très bien, c'est un très bon monteur. Et il abat un boulot monstrueux. Ouais. Et effectivement, on serait juste à nous entre nous à se filmer, ce qui était l'idée de base. On aurait arrêté, je pense, hier. Semaine 1. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est impossible. Si c'était un simple vlog, mais là, vu que c'est un vlog humanitaire, c'est quoi, ça change tout. Je le voyais mastiquer tout à l'heure. Non, pas du tout, je m'en fous. Non mais en tout cas voilà, moi j'ai tout vu, enfin, j'ai pas vu celui d'aujourd'hui fatalement, mais j'ai tout ce que j'ai vu, je trouve ça vraiment cool. Ouais, merci, bravo merci, les gars, merci le concept beaucoup. Est vraiment fort. C'est aussi pour ça que t'as un peu mis de côté le podcast toi Antoine, c'est vraiment pour se concentrer là-dessus aussi. Ouais, parce que c'est très chronophage. Bah ouais, j'imagine. D'écrire, de bosser le documentaire et le tu vois la vraie dramaturgie c'est le Trianon. Ouais. Mais le spectacle pour l'instant avant février, on va pas écrire une ligne quoi, parce qu'on a beaucoup de trucs à faire avant. Ouais. Le but c'est pas de dire aux gens ouais, vous avez vu en 9 mois, on peut faire un super truc. Ouais, il suffit etc. d'y croire. Non. C'est le but c'est de filmer les premiers pas dans le chier etc. Non, mais ça fait ça qui va être super intéressant, c'est de vous suivre toute l'année et après de voir la finalité sur scène. Moi, c'est ça qui m'excite le plus. Mais surtout donc, que le stand-up, l'exercice qui est vraiment impressionnant pour le coup, c'est les gens qui sont capables de faire rire n'importe quelle salle en fait. Ouais, c'est ça. Et ça a pour le coup rien à voir avec faire rire un public qui est venu te voir, enfin c'est vraiment bien sûr pas du tout le même exercice qui en plus va venir voir en ayant conscience, enfin j'imagine c'est pas des gens qui vont se pointer devant le Trianon en disant il y a quoi ce soir, mais surtout c'est je des pense gens que qui vont connaître votre concept et qui vous auront suivi, c'est ça qui va être chouette aussi. C'est surtout que je pense qu'en 9 mois c'est impossible de mais même en quelques années c'est impossible d'avoir les skills pour retourner n'importe quel public. Bah, le spectacle de Baptiste on l'a joué beaucoup plus longtemps que 9 mois par exemple, le dernier. Alors, spectacle et ça, c'est son troisième spectacle. Et encore que Baptiste les gens payent pour le voir lui. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. Le skill de savoir tourner une salle qui s'est pas quittée, c'est un autre exercice qui demande un temps de malade. Alors qu'une salle où il y a du paquito, là, par contre, là, non mais tu vois, l'exercice je trouve le plus impressionnant et c'est les montreux, tu vois, où t'as vraiment c'est considéré comme un des publics les plus durs de là. T'arrives et t'as un public de Suisse, laisse tomber, c'est vraiment méga costaud quoi. Et tu le vois quand tu mates des vidéos YouTube de montreux. Il y a les gens, ils emmènent le public, ça clique au début et ça marche. Et t'as des gens où tu fais waouh, ok, c'est 7 minutes vraiment dur. Et où puis les là, rires ont été rajoutés au montage. Dur devant 1200 personnes, quoi. C'est costaud. Et là, nous, la démarche, c'est pas de dire ouais, en 9 mois, on va être capable de faire ça. Ouais. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas et c'est pas forcément le but. C'est plutôt faisons toutes les strates de cool. Comment arriver à la scène. C'est ça qui est chouette et c'est ça, c'est bien de documenter ça. Donc c'est sur votre chaîne YouTube, Étienne et Antoine. Vous rendez-vous là. Suivez la chaîne YouTube, suivez les réseaux sociaux, etc. De toute façon, il y a tout toujours qui est dans la description. Et puis voilà, après, quand vous annoncerez tout ça, les gens seront au courant. Ben voilà, Adrien, on se voit merci la semaine prochaine. Voilà, la bonne auberge. Oui, je suis là en pleine allergie. Ouais. Là. La bonne auberge qui revient là, ça va être annoncé bientôt, mais c'est très bientôt là. Ok, voilà. Super. Et puis Baptiste, toujours à Paris là, si vous voulez en profiter. Et puis il a des dates un peu partout, mais vous googlisez, vous savez maintenant. Et on remercie nous l'invitation, c'est très cool. Bah non, ouais, merci, c'était cool, on a rigolé. Cool. Et puis prenez soin de vous, bisous tout le monde, ciao. Ciao. Il faisait 2 heures de perdu, Piombino, Piombino. Mais maintenant il le fait plus, Piombino, Piombino. Il se lance dans un projet fou, Piombino, Piombino. Avec son pote Etienne For You, Piombino, Piombino.